بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل إن شاء الله درسنا في هذه القواعد. Donc on continue إن شاء الله notre درس sur قواعد المثلى. On est arrivé au أثر de Naïm ibn Hammad al-Khuzaï. C'est ça ? On s'est arrêté là. On a expliqué le أثر. Et le أثر prouve bien que le تشبيه, l'anthropomorphisme, le fait de dire que Allah ressemble comme ça, et l'akhiré, on a dit que ça c'était du kufr. D'accord ? C'était du kufr, et que, après, la seule chose, on va dire, qui peut être plus ou moins épargnée d'un kufr direct, c'est le ta'wil, ou le tahrif. C'est-à-dire, la mauvaise interprétation. D'accord ? L'interprétation des innovateurs comme Al-Asha'ira et l'Akhir. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont des dalils qui sont autorisés dans la langue des Arabes. Et qu'on a dit que le ta'wil, il se divise en deux. Il y a le ta'wil sa'ir et le ta'wil ghir sa'ir. Il y a le ta'wil qui est autorisé, c'est-à-dire dans la langue arabe. Quand on dit autorisé, ce n'est pas pour dire qu'il est légiféré, etc. Non, c'est qu'il est autorisé. Qui est entre guillemets acceptable par le fait que ça existe dans la langue arabe. Et il y a le ta'wil ghir sa'ir. Et celui-là, alors celui-là, il est interdit. Et celui-là, cette forme de ta'wil-là, c'est aussi, ça peut être directement, ça peut être directement considéré comme du kufr. Je vous donne l'exemple. Que par exemple, al-yad, on a dit que ça pouvait être al-quwa dans la langue des Arabes. D'accord ? Et c'est ça qui a, on va dire, allégé la peine. Ou à Sha'ira, vous avez compris ? Puisque ça existait en langue arabe. Et eux, en fait, ils jouent avec la langue arabe. Vous avez compris ? Eux, ils jouent avec la langue arabe. Avec le salam. Vous avez compris ? Mais le ta'wil qui est ghair sa'ir, on a donné l'exemple avec quoi ? Avec les Shia. Les Shia, mathalan, disent « Inna Allah amurukum an tadbahu baqara » Allah vous ordonne de sacrifier une baqara, une vache. Les Shia disent quoi ? Ils disent « C'est Ummuna Aisha » Ils disent comme ça. Ouais. Ils disent c'est elle, pour l'insulter. Donc eux, ils font un ta'wil. Mais est-ce que c'est un ta'wil qui est sa'ir là ? Là, quel là ? Vous avez compris ? Donc il y a des ta'wils, ils sont inacceptables. Vous avez compris ? On te parle de, je sais pas, on te parle du nord, toi tu parles du sud. On te parle d'un animal, tu nous parles de quoi ? Tu nous parles d'un être humain. Vous avez compris ? Ça, c'est pas, ça, c'est juste pour, en vérité, pour faire du mal. D'accord ? Qu'ils ont fait ça et vous connaissez de toute façon le aqid. Est-ce que vous avez compris ? Les ulama, donc, ils font la différence entre le ta'wil sa'ir et le ta'wil ghir sa'ir. Le ta'wil des batiniya, de la secte des batiniya, qui te disent, par exemple, le hajj, c'est pas le hajj. C'est le but du hajj, c'est quoi ? C'est la ziyara des morts. Et à la fin, l'adoration des morts. La salat, c'est ton lien entre toi et Allah. C'est pas la salat que vous faites, vous. D'accord ? Ils ont une interprétation de l'islam d'eux-mêmes, qui vient d'eux-mêmes, et qui n'a aucun dalil, ni dans la langue arabe, et encore moins avec les textes. Parce que les textes, ils ont mis de côté. Donc, mais qui n'existent, qui n'ont aucune interprétation dans la langue arabe, ni dans l'aql même, des fois. Vous avez compris ? Mafhoum hada ? Mathalan, التوحيد chez les Mu'tazila, التوحيد chez les Asha'ira, التوحيد chez les Mu'tazila par exemple, ou التوحيد chez les Jahmiya, c'est ce qu'on est en train d'étudier là, c'est-à-dire leur réfutation. Eux, pour eux, le التوحيد c'est quoi ? C'est ne pas, c'est dépouiller les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens. Vous avez compris ? Est-ce que maintenant ils ont un ta'wil qui est sa'ir, le Jahmiya ? Non. Vous avez compris ? Ils n'ont pas de ta'wil sa'ir. eux, leur ta'wil sa'ir, il vient de quoi? Il vient des philosophies grecques, etc. Voilà, hein, leur jugement comme ça. Hein, soit c'est des règles philosophiques et grecques et l'akhiré étrangères à l'islam, d'accord? Ou soit c'est de Jad qui a pris sa science d'un autre qui a pris sa science d'un Yahoudi. Voilà, c'est ça la finalité de leur règle. Donc ça, c'est pas des ta'wil qui sont sa'ir. C'est compris? Donc c'est pas toute interprétation. Et c'est pour cela que je vous ai ramené à la fin le qaul de Cheikh Al-Uthaymin qui explique que lorsqu'on va sentir en réalité que cette personne-là, ce mubtadi', veut par les règles ou par les paroles qui donne dans cette aqidah qui veut mettre en pratique et en quoi il appelle cette aqidah. Il dit, si on voit en lui des indices qu'en réalité il veut juste rejeter le sens et rejeter les noms d'Allah, si on a quelques indices qui le prouvent, d'accord, eh bien on le kafar, on le rend kafir. C'est-à-dire que celui qui est sur le ta'wil, en réalité il bascule entre quoi? Entre le kufr et la bid'a. Tout le reste c'est du kufr, hein. Le ta'til, ça c'est... Ta'til que dont les Jahmiyyah sont les dépositaires, hein, ceux qui ont posé cette aqidah-là, eux, c'est des kuffars. D'accord? Le Jahmiyyah, un khilaf. La Sha'ira, il y a un khilaf. Certains savants voient que c'est des kuffars. Le khilaf, il est là. Est-ce que c'est des kuffars ou des ahl bid'ah? C'est pas ce khilaf que vous entendez. Est-ce que c'est des ahl sunnah? Vous savez d'où c'est qu'il est venu ce khilaf-là? Est-ce que les Asha'ira font partie des Ahl Sunnah? D'où il vient ce khilaf-là? Il vient du fait que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fait des redoutes, il dit et ces gens-là font partie de Ahl Sunnah. Quand il dit et ces gens-là font partie de Ahl Sunnah, il a dit ça sur des Asha'ira et sur des Kullabiyya. Il dit que eux, ce sont les Ahl Sunnah dans le pays s'il n'y en a pas. Mais ce taqsim qui donne, lui, il a deux taqsim, Cheikh l'Islam. Il a un taqsim de Ahl Sunnah, qui est ceux qui suivent le haqq. Vous avez compris? Ceux qui suivent le haqq comme nous, alhamdoulilah, qui a l'aqidat al-salaf. Et il y a le taqsim qui est face au shi'a. Vous avez compris? Face au shi'a. Exemple. Dans un pays, il y a des chiites. Ma foi, il y a des shi'a. Et il y a des sofiyas. Eh bien, on va dire que Sofia, ils font partie, ou plutôt l'Asha'ira, ou tous les sectes qui ne sont pas chiites, on va dire que c'est des sunnites, de par rapport au fait que ceux qui sont en face, c'est quoi? C'est des shi'a. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, mais l'Ahl Sunnah. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Alors, le fait qu'il y ait eu quelques paroles comme ça de Cheikh l'Islam, les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que Cheikh l'Islam, ils voient que l'Asha'ira, ou certains, ils ont voulu interpréter ces paroles-là, que l'Asha'ira faisait partie de Ahl Sunnah. Or que non. La question, elle n'est pas là. La question, elle est que certains Asha'ira, leur darajat, c'est-à-dire dans leur degré, ça va jusqu'au kufr. Certaines paroles vont jusqu'au kufr. Les Asha'ira, d'ailleurs, ils n'ont pas été simplement que dans le bab des Asma wa Sifat. Il y a des autres abouab qu'ils ont touchés. Dans le Nubuwat. Dans le Nubuwat, c'est par exemple le chapitre de la prophétie. Ils ont des tachabotat là-dedans. Pas en disant qu'il y a d'autres prophètes, non. Parce que là, s'ils disent qu'il y a d'autres prophètes, mais c'est simplement des contradictions. Des contradictions dans certaines règles. Hein? Parce qu'il y a des autres règles dans le Nubuwat, qu'on ne va pas vous citer, par exemple, la définition d'un miracle, d'accord? La définition d'un miracle, la définition d'un miracle ou d'un prodige, des mu'jizas, etc., etc. Ils ont des tachabotat. Ils mélangent un petit peu là-dedans. D'accord? Mais ils ont aussi des tachabotat, des mélanges, dans quoi ou plutôt même du ta'an, certains d'entre eux, sur les sahaba. Ça existe ça aussi chez eux. Vous avez compris? Il y a des chapitres, nous on vous parle des asma sifat parce que c'est le plus grave, mais les asha'ira, ils ont d'autres tachabotat dans d'autres chapitres. Vous avez compris? Et celui qui dit sur les asha'ira que certains savants les ont considérés comme des kofars, celui qui dit ça, c'est le Cheikh d'Ibn Qayyim, Al-Harawi, Ismaïl Al-Harawi, Cheikh Ibn Al-Qayyim. Il a cité dans son livre Dhamm al-Kalam, il a cité que certains savants voyaient que c'était des kuffars. Pourquoi ? Parce que la finalité de leur message, c'est quoi ? Le Coran, il est makhlouq. Le abd, il n'a pas de qudra. Parce qu'eux, ils ont une autre philosophie dans l'abd que le serviteur. Est-ce qu'il a le libre arbitre ou pas ? Eux, ils appellent ça le kasb. Et pour vous faire comprendre le kasb, c'est très difficile. Parce qu'eux-mêmes, ils ne l'ont pas compris. Taïb. Ah ouais, c'est vrai, wallah, c'est très difficile à expliquer. En fait, ils te disent... Je vais vous donner leur falsafa. Ils disent en fait... Le couteau, lorsqu'il coupe quelque chose, la force, elle n'est ni dans l'abd, ni dans le truc. On dira qu'il est coupé au moment où quoi ? Au moment où le couteau a coupé. Cet événement-là, c'est ce qu'ils appellent aussi le kasb. Le kasb, c'est-à-dire comme si tu acquéris quelque chose. C'est pas fou ? À la fin, le muhim, c'est une falsafa pour dire que le abd, il n'a pas de qudra, il n'a pas de volonté. À la fin, c'est une falsafa pour dire ça. D'accord ? Et prenez une règle, les frères. Prenez une règle. Et ça, c'est une règle que je vous donne, générale. Quand c'est dur à comprendre, ça ne fait pas partie du dîn. Ça, c'est Cheikh l'Islam qui le répète souvent. Quand c'est dur à comprendre, quand il y a une chose qui est dure à comprendre, ça veut dire que ça ne fait pas partie du dîn. Parce que le dîn, c'est une rahma. D'accord ? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et le prophète, alayhi salatu salam, il est venu avec des choses simples. Des paroles simples. Et des actes simples à quoi ? À mettre en pratique. Notre dîn, il est simple. Il est pur et il est simple. Amma les falsafat, les trucs, hachadin, hein, qui bien sûr c'est loin de notre dîn. Mais ces choses que répètent ces gens-là, ça prouve que c'est quoi ? Que c'est bâtil. D'accord ? Ala kulli hal, donc il a cité Ismaïl al-Harawi et d'autres savants ont cité que ces gens-là, c'est-à-dire les sha'ira, certains d'entre eux, donc c'était des kuffars. Donc le khilaf, il serait plus là que de dire que les Asha'ira, c'est des musulmans. Et à la fin aussi, une chose est sûre, c'est que les Asha'ira disent aussi qu'Allah n'est pas au-dessus de son trône. La finalité, si vous préférez, la finalité de leurs paroles, c'est leur aqida, c'est presque la même que celle de Jahmiya. Sauf qu'elle est faite sur un autre, avec un autre déguisement, un autre habit. Vous avez compris ? Tous ont été influencés par qui ? Par Al-Jahm ibn Safwan qui a été influencé par Al-Jahd. Vous avez compris ? Et qui a pris cette aqidah-là d'un Yahoudi à la fin. C'est pas grave. C'est grave. Ça veut dire qu'en fait, même les combats, les grands combats qu'il y a eu contre l'islam, c'est à cause de quoi ? C'est à cause de Yahoud. De certains Yahoud, de certains Nasara qui se sont infiltrés dans notre din et qui ont rentré quelque chose. Vous avez compris ? Ça ne vient pas d'un musulman ordinaire. Ces choses-là, ça ne vient pas d'un musulman ordinaire. Ça vient d'un kaïd. Ça vient d'une ruse. Ça vient d'un stratagème. Est-ce que vous avez compris ? Vous avez bien compris ça ? Souvent ça. Abdullah ibn Sabah, c'est lui qui a été le sabab, alors que c'était un Yahoudi et que c'était lui le asl de Shia. Al-Sabaïya, qui a été le asl de quoi ? De Shia, après qui est devenu Rafida et l'akhir. Taïb, Abdullah ibn Saba, lui, c'est un Yahoudi infiltré. Mais il a réussi à semer la zizanie entre les deux groupes des croyants, c'est-à-dire le groupe de Aïcha radiallahu anha et Ali radiallahu anha, sur l'histoire du sang de Uthman. Il a réussi à semer une fitna à l'intérieur. Après, son histoire, elle est détaillée. Je vous conseille d'ailleurs de lire Aïcha. Il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Bon, Ibn Kathir en a parlé, etc. Un bon livre sur ça, c'est Huqba min al-Tarikh de Uthman al-Khamis. Il est spécialiste chez les Shia. Il a été traduit, les dissensions entre les Sahaba. D'accord ? Et un très bon livre. Mais tout ça pour vous expliquer que même la Jahmiya, en réalité, à la fin, au final, c'est quoi ? C'est des Yahoud. Une infiltration. Et sachez qu'à chaque fois qu'il y a un effort islamique, c'est-à-dire une sahwa islamia, quelque chose de fort, quelque chose de... Hein, un éveil islamique, il y aura toujours quoi ? Il y aura toujours le adou qui va te balancer des gens, des munafiqines, des gens qui montrent que c'est des muslimines. Ils montrent que c'est des muslimines dahiran, mais en réalité, ils sont venus simplement éradiquer l'islam. Mais, min taht. Comme l'a fait, comme ils ont réussi à faire plutôt, avec Mustafa Kemal Atatürk. D'accord? Beaucoup pensent que ça Mujaddad, etc. C'est celui qui a imposé et coupé la khilafa en 1924 et imposé quoi? La laïcité, l'almana. Alors que c'était l'Empire Ottoman, et l'Empire Ottoman tenait du Mashriq au Maghreb. Il est venu, il a coupé. Ils sont partis à la tête, parce que le sultanat Othmani, ou l'Empire Ottoman, c'était où? C'était en Turquie. Alors, il y en a un qui est venu, qui a dit non, mais on va tenir le hukm, etc. Mais en vérité, c'était un Yahoudi, d'une famille de Yahoud de Salonique. Vous connaissez de toute façon son histoire, vous pouvez la vérifier. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois, qu'il y a un problème, dans le dîn, à la fin, ça revient à qui? Ça revient au a'da ad-dîn. Et ils le font bien, et ils y arrivent bien. Mais il y a un khair derrière ça à chaque fois. Il y a un khair derrière ça, et Allah subhanahu wa ta'ala défend toujours sa religion. C'est pour ça qu'il y avait un orientaliste qui disait, si on avait donné peut-être le dixième de ce qu'on a donné pour enlever et éradiquer l'islam, sur une autre religion, ou sur un autre dogme, on l'aurait effacé. Mais l'islam, on n'arrive pas. Regarde, par témoignage des a'da. Et par témoignage des a'da, et par témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset qui dit « Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ». Ils dépensent pour fermer le sentier d'Allah. C'est-à-dire, ils dépensent leur argent pour annuler la religion d'Allah. « Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ». Fa sayunfiquna. Et ils vont dépenser cet argent. « Thumma takuna alayhim hasra ». Et ensuite, ils vont regretter. « Thumma yughlabun ». Et ensuite, ils seront vaincus. Il est plus clair. Allah défend sa religion. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc là, pourquoi on est en train d'étudier ça à la fin, au final, c'est pour vous dire qu'il y a eu une infiltration. Vous avez compris? Ça, c'est une infiltration. Ça cause d'une infiltration, ça. Il a ce ma aussi fat, wakada, ce qu'on est en train de. Et quand tu lis le tarikh, ça cause d'une infiltration. Des gens qui se sont dit musulmans. Hein? Il y en avait un, par exemple, à l'époque de. C'était. Celui qui a Mu'tazila, celui qui est venu voir Al-Hassan Al-Basri, rappelez-moi hier, ouais. Al-Jahd, ouais, Al-Jahd, qui est venu voir Hassan Al-Basri, qui lui a dit c'est qui lui, il prenait d'ici et ailleurs, et pareil, il avait pris sa science de certains infiltrés. Taïb, il est venu voir Al-Hassan Al-Basri, il lui a dit le musulman qui fait un grand péché, C'est quoi son hal? Il lui a dit mu'min naqis al-iman. C'est un mu'min. Quand on dit mu'min, ça ne veut pas dire qu'il a l'iman kamel. C'est pour dire qu'il a l'iman. D'accord? Naqis al-iman, c'est pour dire qu'il n'est pas kafir. Vous avez compris? Ça, c'est celui qui fait un péché. On dit bien un péché. Hein? Pas du shirk. Hein? On ne va pas répéter encore. Ça, c'est un péché. Mais vous, taïr. Ça, c'est quoi? Il lui a dit ça, il lui a répondu ça. Lui, il lui a dit là. Il lui a dit non. Il lui a dit le croyant, on dira qu'il est dans une manzila baina manzilati. Il est dans une médiane, position médiane. Ni les musulmans, ni les mu'min plutôt, ni les croyants, ni les quoi? Ni les kafirs. Voilà, ça a commencé la falsafa. Voilà, elle a commencé. Manzila baina manzilati. Et ensuite, i'tazalu, ensuite, i'tazalu, ça veut dire qu'ils ont laissé, ils ont quitté cette assise-là, lui, là, cet homme-là, le Moïse de Mu'tazila, et on a appelé cette secte Al-Mu'tazila. Pourquoi? Parce qu'ils ont Atassal Hassan Al-Basri. Voilà, ils sont venus avec une bid'a. Ils sont venus avec une bid'a qui a été réfutée directement par Hassan Al-Basri. Et à chaque fois qu'il va y avoir un homme qui va venir avec une bid'a de ce genre-là, d'accord, avec une bid'a de ce genre-là, on lui donnera soit le nom de la bid'a qu'il a ramené, ou soit on lui attribuera la aqida de ce qu'on l'aura, d'où il prend sa aqida. Et c'est pour ça que les ahbash, en réalité, les frères, les ahbash, Allah wa ta'ala alam, ce n'est pas des musulmans. Ça peut dire ce que je vous dis, ça, mais ce n'est pas des musulmans, ces gens-là. Parce que leur aqida, c'est la aqida des djahmi. Et ils invoquent les morts. Le tawassul qu'ils font, c'est quoi? C'est invoquer les morts, les Habash. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Des musulmans après ça? C'est des musulmans ou pas après ça? Dans les asma aussi faites, c'est une catastrophe. Et kafar les ulama. Il. Bon, kafar les ulama, encore tu pourrais dire, voilà, c'est leur entrée. Mais quand même, à la fin. Leur aqidah, c'est la aqidah de Jahmi Moussafouan. Et ils invoquent les morts. Khalas. Qu'est-ce qui reste en eux de d'islam? Mouchirikine après, à la fin. Et ils ont notre qibla en plus, hein, j'ai appris ça. Ils ont notre qibla. Taïb, le prophète Sassam a dit, man istaqbala ish. قبلتنا صح ولا لا ها من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا طيب يجون القبلة كم هو فيه leur قبلة des fois c'est des musulmans طيب c'est des musulmans ça c'est pas des musulmans donc أنا ما أنكر je ne réprimanderai pas celui qui dit que c'est des kuffar مفهوم le khilaf il serait peut-être plus là et Sheikh Ibn Baz appelait رحمة الله عليه appelait Abdallah al-Habashi le muassas de cette firqa, il l'appelait comment? Il l'appelait Sheikh al-Fitna. Sheikh al-Fitna. Et je suis sûr que eux, ils ont fait une étude sur eux, et c'est vrai que l'ajna d'aïma peut-être n'a pas hakum alayhim bil kufr, mais lorsque tu prends les détails de ce, quoi, ce qu'ils appellent, ce qu'eux ils appellent comme aqida, à la fin tu verras que c'est du kufr. Du kufr bawah. De la pure mécréance. Donc voilà. Ana ma unkir ala man. Naam. Voilà. Et si vous savez qu'est-ce qu'il disait là, si je commence à rentrer dans les détails de ce qu'ils disent, les Habash, wallahi, c'est pas le moment, mais en tout cas, on a une Jahmiya nous en France. C'est ça qu'il faut retenir, vous avez une Jahmiya en France. Et regardez, il rénove toute forme de bid'a. Eux, c'est les réunificateurs de la bid'a. Mathalan al-Mawlid, ils organisent des grandes fêtes. Ici et là. Ils font des grandes fêtes et kada et kada. Et à la fin, il y a les madaïh. Et les madaïh, c'est quoi? C'est les chants, entre guillemets, religieux. Les chants religieux, hamakallah, sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Mais va écouter qu'est-ce qu'ils disent. À la fin, c'est du shirk. Ô prophète, tu es là, ô prophète, kada, ô kada. Enfin, c'est du shirk. Allahu musta'an. Donc, Yerwan, on a même un kir ala man, un kafiru. Après les autres sectes qui existent ici, Allahu musta'an. En France, c'est quoi le plus? Habash, Tablir, Soufia, et il y a un petit peu de Naqshbandi. Après, c'est un mélange. Après, c'est un mélange. Hein? Il est, en fait, eux, comme c'est du djahl, tu vois, ils ont plus d'ignorance, ils ont pas de, il n'y a pas une règle comme ça de base sur eux. Mais en tout cas, il est vrai que leurs mashayikh, de base, beaucoup, il y en a, c'est des soufis et des sha'ira, de base. D'ailleurs, il y en a même un d'entre eux qui s'appelle Hussein, qui est un Libanais, il le dit ouvertement. Ici, hein, il est là à Sanni, il fait ses khutbah, il dit, moi je suis un soufi. Je le revendique, Cheikh l'Islam voyait que le soufisme c'était bon. C'est pas vrai, Cheikh l'Islam n'a jamais dit que le soufisme était bon. D'ailleurs, il a fait des livres contre ça. D'ailleurs, son livre, Al-Istiqama, c'est un rad sur Risala Qushayriya. Et Risala Qushayriya, c'est un rad. Risala Qushayriya, c'est leur dogme. Tout leur dogme, les soufis, là, ils le prennent de là. Risala Qushayriya, c'est l'akhlaq, comment tu fais pour purifier ta sincérité, etc., etc. C'est le soufisme, quoi. Lui, il est venu, et il a fait quoi, Cheikh l'Islam? Il a fait une Risala, il s'appelle Al-Istiqama. Il a fait un rad sur cette risale. Eux, leur référence, tu leur demandes, Al-Qushayriya, c'est ta référence ou pas? Oui, khalas. Alors, dis pas que Cheikh l'Islam, c'est un. Il a dit, il aime d'ahle et le sofi. Vous, si vous saviez, Allah, Musta'an, ce qu'il disait, Allah. Mais il faut connaître les frères. Wallah, les frères, la chose la plus importante, c'est l'aqidah. L'aqidah, avec un petit peu de tarikh, avec un petit peu d'histoire, d'accord? Mais l'aqidah. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle va te permettre de comprendre ce qui se passe. En réalité, c'est quoi? Si vous saviez, c'était quoi la khutta d'établir? La khutta d'établir, puisqu'il parle d'établir maintenant, la khutta d'établir, c'était que la da'wa de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, de Tawhid, était arrivée jusqu'au Sindh. Le Sindh, ça regroupait le Pakistan, le Cachemire, une partie de l'Inde. Al-Mum, c'était un endroit. vraiment vaste en termes géographiques. Et là-dedans, il y avait tout. Il y avait Naqshbandiya, bon, c'est une secte, hein, on ne va pas rentrer dans chaque secte. Comme une fois, Cheikh l'Albani disait Naqshbandiya, après il a sorti un autre truc avec, et après il a fini avec Ya et Tatata Ya, tu vois. Parce qu'il y en a plein, après tu ne peux pas tout détailler. À la kulli hal, il y a le Naqshbandiya, il y avait qui encore, il y avait la Sha'ira, Sofiya, Mouhim, plein de sectes, les Brahamiya, aussi les Brahmistes, Mouhim, il y en avait plein. Alors, la Khotta, c'était quoi? C'était, puisque vous, vous êtes divisés, puisque vous, wesh, vous êtes tous divisés, les Sofiyas, là, et que la da'wa de Sheikh Mohamed Abdelhab, la da'wa de Tawhid Safiya, elle est en train de faire un massacre chez vous. Parce que c'est vrai, les gens, ils commençaient à revenir. En fait, le plus grand des dalils, c'était quoi? C'était le talir. C'était que eux-mêmes, ils étaient divisés. Vous me suivez? Alors, le plus grand des dalils que c'était batel, leur da'wa, c'était qu'il y avait plusieurs sectes. Ça fait que lorsqu'il y a eu la da'wa de Sheikh Mohamed Abdel Wahab, hein, c'est-à-dire la da'wa de Tawhid al Tajdid, ils ont dit, mais c'est ça la vérité, vous êtes divisés. Vous m'avez suivi? Taïb, ils ont dit, c'est le kitab, c'est le sunnah, là, c'est clair. Nous, on suit ça. Mafoum? Alors les gens de ces régions-là, ils n'arrêtaient pas de revenir à cette da'wa-là. Regardez la khotta des Anglais. Les Anglais. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme khotta? Les Anglais, comme disait un homme politique, Churchill. Hein, Churchill, il disait quoi? Il disait, s'il n'y a plus de politique, si les Anglais, ils meurent, il n'y a plus de politique. Eux, les Anglais, c'est des grands... Ils sont fins dans les stratagèmes. Ils sont vraiment... Hein, Allah musta'an. Si tu lis un petit peu, c'est pour ça qu'on dit ils filent à l'anglaise, au cadavre, hein. Chose qu'ils ont fait les Anglais. Regarde le. Comme Allah aimait, attention, ça c'est Allah lui-même qui le dit. Bel makru layli wa nahar. Ils rusent du matin au soir. Tous les jours, ils réfléchissent comment garder le pouvoir. Alors regardez comment ils ont fait. Ils ont dit, puisque cette da'wa commence à vraiment être balèze, la da'wa de Shir, et que les gens ils commencent à revenir au vrai islam, alors on va unir les sectes, les soufis, etc., etc. Comme ça va faire un bloc, un bloc contre un autre. Vous avez compris? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont favorisé la da'wa d'établir. Et les établir ont appelé à l'union de toutes ces sectes. Vous avez compris? Naqshbandiya, c'est pas grave, t'es mon frère. Al-Muhim, tu fais da'wa ilallah. Da'wa. Hein? Allez, khoroj. Yep. Et il est ramené tout. Vous avez compris? Et ils se sont unis et ça a fait quoi? Ça a fait un bloc. Vous avez compris? Et ce bloc-là, c'était le bloc contre le bloc du haq, contre le bloc du batil. Vous avez compris comment ils ont fait? On les unit, puisqu'ils sont, ils sont divisés, on va les unir. Et ça va faire un bloc contre un. Et jusqu'à maintenant, c'est ces deux blocs-là qui se battent. Et eux, les Anglais, ils favorisaient la da'wa des établir. Tu viens en Inde, t'as un tablir, marhaba. Vous avez compris? Et l'Inde, c'était quoi? C'était les Anglais qui tenaient. Sah, marhaba. Et dans tous les pays où il y avait une main de fer des Anglais, marhaba pour l'établir. Pour qu'ils propagent leur da'wa. Vous avez compris ça? Regardez, c'est toujours politique. Eux, ils savent, attention, eux, wallah, ils étudient. Les Asaf, ils étudient plus que certains musulmans. Mais pour, robler, pour frapper les. Donc, l'établir, on ne peut pas leur donner directement une aqida, comment dirais-je, oui, seule et unique, d'ailleurs. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que à la fin, leur mashayikh, ce qu'ils appellent eux les Qudama, c'est le principal. Parce qu'à la fin, je vais t'expliquer c'est quoi les Tamiliens. À la fin, Mohamed Ilyas, un qui vient de mourir, je crois aussi, Al-Kandahlawi, etc. Qui étaient, certains, il y en avait, c'était des Muhadithines. Mais c'était des Muhadithines dans le Hadith, mais dans l'Aqida, c'était un kharab. Hein. Dans l'Aqida, c'était des Ash'ara, des Murjia, c'était un mélange. Eux, à la fin, n'importe quel tablier d'aujourd'hui, il reviendra au Nidham. Au Nidham, c'est-à-dire à l'organisme de qui? Des Qudama. Et les Qudama, ils ont dit qu'il fallait faire 40 jours et pas plus. Et les Qudama, ils ont dit qu'il fallait faire 4 mois et pas plus. Et les Qudama, ils ont dit ça, ils ont dit ça. C'est des choses qui ne changeront jamais. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils estiment que comme Mohamed Ilyas, il a eu la révélation à travers son rêve, et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit de changer, etc., etc., et bien c'est resté comme ça depuis, et ça restera comme ça. Tu ne pourras jamais changer le niram d'établir. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est les Qudama, ils ont fait le mashwara, ils appellent ça. Déjà, c'est pas le mashwara, c'est le shura. Mais bon, ils appellent ça le mashwara. Taïb, ils se sont consultés, et ils ont décrété telle chose, et ça restera comme ça. Et d'ailleurs, ils ont des dalils. Eux, ils ont des dalils, mais c'est pareil, c'est un ta'wil qui n'est pas sa'ir. Ils disent 40 jours, non, 4 mois. Vous connaissez le hadith où il y a 4 mois le hadith où, au bout de 4 mois, il y a le ruh qui descend. Ça, vous connaissez le hadith d'Ibn Mas'ud hein? Thumma ish, yuktabu shaqi un sa'id. Ouais, avec sa femme, d'accord. Alors un coup ils disent ça, mais moi la chose que j'ai lu hein, d'eux-mêmes d'un qui s'appelait Sadiq, Cheikh Sadiq, et qui a fait un témoignage contre eux, parce qu'après lui il a fait Tauba, il a dit qu'en réalité au bout de 4 mois, il y a comme Allah subhanahu wa ta'ala descend le ruh dans le janin, dans le fœtus, et ben de la même sorte il descend le ruh du hub al-khuruj, de l'amour du khuruj dans le cœur du serviteur. Vous avez compris? Tu as l'âme de l'amour du khuruj. Khalas. T'as un tampon. Et sans compte après les bidahs qui disaient. Mohamed Ilyas, il disait, il se mettait devant les tombes et il disait Allahu hadiri, Allahu ish, Allahu yasma'uni, Allahu hadiri. Allah est présent avec moi. Et Allah m'écoute. Et il se mettait comme ça et il faisait ce dhikr-là devant les tombes. Ça, c'est leur Moïse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est leur Moïse, leur fondateur. On ne va pas calculer les catastrophes qu'il y a derrière. À Karachi, dans l'endroit où il se. Khalik Mnouna, Ta'al, Figa, Shamsna, Soleil. Et trois petites routes d'hommes. Taïb, un frère que je connaissais, qui était un tablir, il est parti là-bas dans leur centre. Quand il arrivait là-bas, lui, il était parti pour se former, pour se renforcer dans le tablir. Parce que lui, il faisait da'wa, pour lui, vous voyez que c'était le haqq. Quand il arrivait là-bas, il y avait le bâtiment des Arabes et il y avait le bâtiment des étrangers. Les Arabes, ils leur faisaient un ikram spécial. Parce qu'ils savaient que souvent, les Arabes, c'était des grands chefs, lorsqu'ils tenaient. Et aussi, c'était beaucoup des Arabes qui venaient des monarchies. De la péninsule arabique, hein, des royaumes de la péninsule arabique. Qatar, il y en a au Qatar, hein, Émirats, hein, Saoudia. Et ils savaient qu'ils allaient financer. Donc on leur faisait un ikram spécial. D'accord ? Ils avaient un peu moins de bida', parce que quand même, ils ont été touchés par hein, la da'wa de Shir. Ils avaient un peu moins de bida', mais ils étaient quand même dans leur délire de tablir et de soufisme. Taïb. Et comme dit Shir l'Albani, c'est une soufia contemporaine. C'est un soufisme contemporain. Taïb. Et il y avait les étrangers. Et lui, il était parti chez quoi? Chez qui? Chez les étrangers. Il est arrivé, il m'a dit, Wallah, Bouzi, j'ai vu des choses devant moi, je me suis sauvé direct. Il m'a dit, le premier soir, il y en avait un, il était comme ça. Allah, Allah, Allah, comme ça. C'était un sou. Il m'a dit, quand j'ai vu que tous, ils avaient une aqidah, il y en avait un, il avait une subha, il m'a dit, il y en avait un, il avait une subha, et avec des grosses boules, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Une subha comme ça, il la prenait comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec. Il m'a dit, quand j'ai vu toutes ces bidahs, je me suis sauvé. Il m'a dit, c'est là que j'ai compris. Moi, j'étais parti pour me renforcer. Il m'a dit, je suis arrivé là-bas, j'ai témoigné de leur bidah. J'ai dit, non, ces gens-là, ils ne peuvent pas en sortir le haqq. Vous avez compris? Il a quand même voyagé, il a quand même pris la peine de voyager. Et tu pouvais lui parler d'établir, lui, il disait, non, l'établir, ils sont mal, l'établir. Mais c'est lui, quand il est parti là-bas, il a témoigné contre eux. Et sans compter le hacharisme, le soufisme, c'est mélangé à la couleur. Et d'ailleurs, eux, ils enseignent pas trop une aqidah. Donc à la fin, c'est plus des djuhal. C'est plus des ignorants qu'autre chose. C'est pour ça que Cheikh Mughbir, rahimahullah ta'ala, disait Ar-rajulu yakhruju ma'ahum 40 sana wa la ya'rifu kayfa yusalli kama salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. 40 ans, c'est pas 40 jours. Il dit 40 ans, tu sors avec eux, tu sais même pas prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié. Parce qu'il t'enseigne jamais la prière. Chacun est pris comme il veut chez l'établir. Il y en a, il a les mains là, il y en a, il a les mains. La majorité, ils ont les mains. Là, pourquoi? Madhab Hanafi, hadith da'if, les mains sont nombrées. المذهب حنفي سكي سي شي زو مفهوم سي شي اللي تبغي فهمت دونك لي تبليغ ils ont pas une عقيده après les ikhwan aussi c'est mélangé hein et les autres sectes aussi c'est ça peut mélanger à la kulli hal nous en tout cas on sait que cette عقيده là ce n'est pas عقيده اهل السنه والجماعه ensuite il dit ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقان بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. Ça c'est encore parmi les wazim, parmi les choses que ça raconte. طيب لي qui c'est qui lit Yanis ou l'anta طيب Yanis اقرا. Il y a le fait que le livre d'Allah qui l'a fait descendre pour exposer clairement les choses comme direction aux gens, comme remède à ceux qui se trouvent dans les poitrines, comme la lumière éclairante et ce qui sépare entre le vrai et le faux. Allah ne montre pas aux serviteurs ce qu'il faut qu'ils croient dans les mots et attributs. Cependant, il a confié cela à la charge de la raison. Ils attestent à Allah ce qu'ils veulent ou non ce qu'ils veulent. Cela est manifestement de la nullité. Taïeb, ça, c'est parmi les lawazim encore les choses que ça incombe d'avoir cette aqidah chez Ahl-Ahwa. Al-Bida'a, on peut leur dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, les frères, il faut toujours revenir au Coran et à la Sunna. Khalouk, délaisser les paroles des gens. Et ça, je le répète toujours. À chaque fois que tu apprends sa messe, Allah apprend-la avec son talib. Au moins, auprès d'Allah, comme il dit Ibn al-Qayyim, tu auras un udhr. Tu auras une excuse. Quand tu apprends la messe, Allah avec quoi? Avec son talib. Mais faut... Regardez là ce qu'il dit, Cheikh al-Uthaymeen. Il te dit Allah, il a appelé le Coran Furqan. Et le Coran, il est obligé. Le Coran, il a tout bayen, il a tout montré. Taïb. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé ce Coran, ou plutôt les sifat, ses propres sifat et ses noms, il a laissé aux gens de lui attribuer ce qu'ils veulent? Il a laissé ça aux gens. Est-ce que ça c'est possible ça? Non, c'est pas possible. Donc lui, al-bida' là, ces gens-là, al-bida', ils pensent que c'est avec leur raison qu'ils vont dire tel sifat ou tel sifa n'est pas accordé à Allah, ou tel nom n'est pas accordé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Accordé ou pas? Vous avez compris? Est-ce qu'il est possible qu'Allah, qui a descendu un Coran, qui montre tout, et que la chose la plus importante c'est le tawhid, et dans le tawhid il y a le tawhid de l'asma wa sifat, il y a le tawhid de l'asma wa sifat, est-ce qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser ça des uqul aux raisons et aux esprits des gens? Est-ce qu'il est possible ça? Est-ce que c'est possible? Là. Vous avez compris? Donc, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a montré, d'accord? Ou soit il ne l'a pas montré. Hacha. Allah, il a montré ces choses. Il a montré la croyance qu'il fallait avoir, à travers ses noms et ses attributs. Et ceux qui ont compris ça, c'est bien sûr le prophète qui a donc enseigné cela aux sahaba, et les sahaba, radiallahu anhum, on voit bien qu'ils ont très bien compris les nosos. Et que chez eux, ça ne pouvait pas exister ce genre de bid'ah, wa hashahum, wa ba'dahum Allah, hein, wa hashahum. Ça ne pouvait pas exister, pourquoi? Parce que le aql n'était pas pollué, la raison n'était pas polluée, le cœur n'était pas pollué par des théories étrangères ou des idéologies et des croyances étrangères. Vous avez compris? Donc pour eux, khalas, c'était clair. Quand le prophète, alayhi salat wa salam, disait Rahman ala arash istawa ou huwa fi as-sama kadha khalas, il disait pas oui mais fi as-sama, ça incombe qu'il est dans un endroit et l'endroit s'est créé et comment khaliq al-makan, il est dans un makan. Est-ce qu'il disait ça? Hacha, il disait pas ça. Laysa kamithlihi shay, wesh, oh sami' al-basir, khalas, il s'arrêtait là. Mafhoum? Donc on s'arrête là où ils se sont arrêtés les sahaba, on s'arrête là où ils sont, car leur silence c'est un dalil aussi. Vous avez compris? Leur silence, c'est un dalil aussi. Le fait qu'ils se sont tus sur une chose, tu dois te taire sur cette chose-là. Parce que si tu ne te tais pas sur cette chose-là, tu auras ramené ce qu'on appelle quoi? Une bid'a dans la religion d'Allah. Et c'est pour ça que l'imam Malik a tout de suite dit وَالسُّؤَالَ عَنْوَيْشِ بِدْعَ, parce qu'il a vu que, étant donné que les sahaba n'ont jamais eu une personne qui a fait cette question-réponse, d'accord, il a vu que c'était quelque chose de nouveau. Donc il a dit direct, ça s'est fait automatiquement dans l'esprit de l'imam Malik, automatiquement. Il a dit, puisque lui il ramène quelque chose de nouveau, c'est une innovation, puisque les sahaba n'ont pas eu ce genre de question. Vous avez compris ça, Inch'Allah? D'accord. Et c'est ça, à chaque fois, nous on dit oui, leur silence, le fait que les sahaba se sont tués sur une chose, et ben nous aussi on se tait. Vous avez compris? Alors toi, à chaque fois qu'il y a une question religieuse, qu'elle soit dans la aqida ou pas, qu'elle soit dans la aqida, dans le fiqh, etc., est-ce que les sahaba ont parlé de ça? C'est facile, hein, tu peux le vérifier. On te dit, mathalan, ça c'est un khilaf qui est venu après chez Al-Sunnah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il descend au dernier des cieux, le samad dunya, d'accord, le troisième tiers de la nuit, quand Allah descend, est-ce que le arche devient alors vide ou pas? Est-ce que Allah s'est retiré de ce arche? Yakhlou min arshi amna. Vous avez compris? Ça, c'est une masala qui est venue après, pas chez Ahl al-Sahaba, qui est venue après. Des Ahl al-Sunnah, ils ont naqash cette masala-là. Vous me suivez ou pas? Vous m'avez suivi. Attention, hein, faut bien suivre là, parce que c'est une masala aqadiyya, on ne va pas commencer à dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez compris? C'est venu après. Le khilaf, il est où? Le khilaf, il a existé, c'est certain. Les sunnas, ils ont dit, alors, est-ce que Allah yakhlou min arshihi amla? Vous m'avez suivi ou pas? Est-ce que l'arche, il est resté à sa place ou pas? Et l'akhiré. Voilà, ils ont commencé à... Ça, déjà, les frères, c'est du rêve ou c'est pas du rêve? C'est du rêve, déjà. Est-ce que les sahaba ont parlé de cette masala? Non, khalas. Plus de khilaf. Et ils ont parlé aussi d'une masala. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est sur son arche, est-ce qu'il le touche ou il ne le touche pas? Regardez, ils ont parlé de cette masala. Des gens qui sont venus bien après. Min ghayri mumassa. Huwa fawq al-'arsh min ghayri mumassa. Ils ont parlé de cette masala. Ça fait partie du ghayb ou pas? Est-ce qu'on a athar? Est-ce qu'on a un athar, une trace? Ou un athar? Vous savez, c'est quoi un athar? Un athar, c'est soit une parole, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un dalil, al-muhim. Un dalil sam'i. Parce que nous, pour affirmer une chose de l'invisible, il faut quoi? Il faut un dalil. Ça, ala la. Est-ce qu'on a une science de cela dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, ni dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ni dans la parole des sahaba. Donc pourquoi venir sortir même cette question là il n'appartient même pas à Ahl al-Sunnah de parler de cette masala. Je vous le dis, oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que les sahaba n'ont pas parlé de cette masala. Donc ça va être ça à chaque fois la règle. Et ils ont parlé aussi de Al-Julus. Est-ce que Allah yajlis? Le Julus, le Qu'ut. Est-ce que Allah s'assoit et la fait? Ça, ils ont parlé de ça. La Mas'ala, kada kada. Est-ce qu'on a athar? On n'a pas d'athar. Khalas. Après la Mas'ala, il y a un khilaf de certains ulama, ils disent que Yuthbet ou kada et d'autres, ils voient que. L'istilqa. L'istilqa, c'est comme. Ça aussi, cette masala. Ils ont parlé de cette masala là. Le hasard, il y a des ulama qui le sahah, d'autres qui le sahah. D'accord? L'istilqa, c'est un peu comme dire se reposer. Le septième jour, il se repose. Regardez, ça c'est écrit dans quoi? Dans la Bible. Taïb. Il y a certains qui lisaient dans les chez Al-Kitab, etc. Mais c'est pas se reposer, istilqa. C'est comme. Vous cherchez, puis c'est tout, istilqa. Même s'il y avait un istilqa, même si on disait qu'il y avait un istilqa, c'est une chose qui lui est propre. D'accord? Mais le athar, Inch'Allah, il est da'if. Hein. Il y en a qui voient qu'il est sahih, d'autres qui voient qu'il est da'if. Al-Muhim, tu as plein de questions comme ça qu'ils ont parlé sur Allah, subhanahu wa ta'ala, sur les asma aussi, fait. D'accord? Soit c'est des athar qui sont da'if, et parce qu'ils sont da'if, ils en ont parlé. Vous avez compris? Parce que da'if, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une trace. Vous avez compris ? Daïf, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une trace. Et ça veut dire qu'il peut y avoir un khilaf ensuite, après, chez Ahl Sunnah ou Al Jama'a. Vous avez compris ? Par exemple, Ibn Baz, rahimallah ta'ala, lui ne voyait pas que le kursi c'était Mawdi' al-Qadamayn. Le kursi, hein, le pied des stades. Oui, je vous parle comme ils parlent eux. Hein. Il ne voit pas. Cheikh Ibn Baz, il disait que le athar d'Ibn Abbas ne suffit pas pour dire que hein, c'est Mawdi' al-Qadamayn, c'est-à-dire le piédestal d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, les deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Lui, il disait non. Il disait pourquoi ? Parce qu'il me faut un dalil du Coran et de la Sunna clair. Il a dit, et Ibn Abbas, il prenait de quoi ? Des israéliettes. Il prenait de quoi ? Des récits israélites. Donc il a dit, moi ça ne me suffit pas, pourquoi ? Pour rathbat une sifa, pour affirmer une sifa. Vous me suivez ? Mais les ulama, les autres, disent non. Disent Ibn Abbas n'a pas pu dire ça de son aql. Donc, forcément, il a. Et puisqu'il est sahih, le athar, et que les ulama sont restés sur ça, alors il est possible et il est affirmé et authentique de le dire. Il est vrai de le dire. Vous avez compris, Inch'Allah ? Des fois, il y a un téléphone, le sunnah ou le jama'a, sur. Hein, certains sujets, vous avez compris ? Mais le khilaf, il revient toujours à quoi ? Sahha, dha'f, mais non pas sur hein, les usul et les fondements de notre aqidah. Est-ce que vous avez bien compris ça, mes frères ? Donc ça, il faut faire très, très, très attention. De regarder si les sahaba, radiallahu anhum, en ont parlé ou pas. Et c'est pour ça, les frères, qu'il faut absolument lire les kutub de aqaid. Et à chaque fois, rechercher les masail. Et ne pas se dire que ça y est, cette masala elle est comprise et khalas, je n'ai plus besoin de lire. Non. Toujours, tu vas être. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai lu une masala, je ne vais pas vous en parler là, hein, de Sheikh Rajihi qui l'avait expliqué dans, par rapport au kitab, hein, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son arche. D'accord ? Al-Muhim, il a ramené un kalam que, subhanallah, je n'avais jamais vu. Mais voilà, tous les jours tu découvres et tous les jours tu apprends des choses, walillahi, alhamd. Mais voilà, à chaque fois, mes frères, il faut faire attention à cela, à ne pas dépasser, à ne pas dire ce que les sahaba radiallahu anhum n'ont pas dit. Il ne faut jamais faire ça. Si tu fais ça, tu rentres dans la bid'a directement. Directement. Khalas. Il n'y a plus d'écart entre toi et la bid'a. Khalas. Ensuite, il dit Thalith. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa khulafa'ahu al-rashidin, wa ashabu, wa salaf al-umma, wa immatuha, wa immataha, afwan. Wa immataha. كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من صفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانها لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. الله أكبر. هزيلي. Les partisans du dépouillement des attributs d'Allah, Azza wa Jal, ne provient d'eux. Très bien, les partisans du dépouillement, c'est Al-Ta'atil. À ce moment-là, c'est soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses successeurs bien dirigés, les prédécesseurs et les imams de la communauté étaient diminués par ignorance à cela et par incapacité à le connaître, ou soit qu'ils sont diminués en ne le montrant pas à la communauté. Ces deux cas sont nuls. Regardez, ça c'est le troisième point. On dit aux Habashi, on dit aux Jahmi, on dit aux Asha'ira, regardez ce qu'on leur dit. On leur dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons, est-ce que ce maslak là, est-ce que la tariqa que vous avez pris, c'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les khulafa al-rashidi. Le tahrif al-nusus a'udhu billah wa hashahum. D'accord, mais c'est juste pour leur lui mettre un petit peu, hein, interpeller son esprit et un petit peu le mettre un électrochoc un peu dans son, pour qu'il se réveille, hein. On nous dit, est-ce que ça c'est la tariqa des sahaba? Non, puisque c'est pas la tariqa des sahaba, parce que si eux ils n'auraient jamais tout ce qu'il y avait à bayen, tout ce qu'il y avait à montrer comme haq, tout ce qu'il y avait montré comme haq, ils nous l'ont montré, les sahaba ainsi que le prophète, ainsi que les sahaba et les khulafa al-rashidin. Ils nous ont montré le haq, ça c'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas qassar sur ça, ils n'ont pas été qassarin, comme on dit, hein, voilà, ils n'ont pas été réducteurs, ils n'ont pas wahashah, ils n'ont pas caché cette vérité là vous avez compris ça mes frères? Et puisque ça fait partie des plus grandes vérités, parce que ça rentre dans le tawhid, vous avez compris? Donc il faut bien insister, il faut leur dire que puisqu'ils n'ont pas montré ça, pourquoi toi aujourd'hui, toi là, tu viens avec une nouvelle tariqa et tu veux nous montrer cette chose-là? Ma foi. Donc ça, c'est, ça prouve bien que c'est khata. Ça, c'est une erreur encore. Hein. Et ils ne l'ont pas fait par jahl, wal'iyadhu billah. Par exemple, eux, ils le font par jahl, c'est-à-dire le ta'til. Mais si tu dis que tariqat al-bida'a, c'est la bonne tariqa, comme ça a été dit, hein. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent tariqat ahl bid'a' ish tariqat al khalaf aslam, d'accord, wa tariqat non attendez tariqat al salaf ahkam wa tariqat al khalaf aslam, peut-être même le contraire, mais muhim c'est pour dire à peu près la même chose. Il dit la tariqa des salaf c'était réglé. Ah, c'est Al-Bida'a qui dit ça. Wa tariqat al-khalaf, ceux qui sont venus après les salaf, c'est ahkam ou alors aslam. Al-Muhim, j'ai oublié le aslam, hein, c'est ça. C'est aslam. Aslam, ça veut dire que c'est plus. C'est meilleur. C'est meilleur. Leur tariqa est meilleure. Mais attendez, qu'est-ce que vous dites là? Vous nous dites que les salaf, c'est réglé. C'est ahkam. Si c'est réglé, c'est aussi aslam. C'est vrai, c'est faux. Si c'est réglé chez les salafs, pourquoi on va aller voir ailleurs? Vous avez compris? Eux, ils veulent te dire que la tariqa des khalafs, qui est aslam, qui est meilleure, elle est meilleure, pourquoi? Parce qu'elle a détaillé des choses que les salafs n'ont pas détaillées. Mais on leur dit, le problème, c'est que vos détails, à vous, que nous avez ramenés, ça a ramené plus de problèmes. Et que jamais les salafs n'ont ramené ce genre de détails. Donc si vous-même, de votre propre témoignage, vous dites que tariqa tesh, as-salaf al-ahkam, restez sur le muhkam, restez pas sur le mutashabih. Vous avez compris? Vous avez compris ça, inchallah? طيب. Ensuite il dit: rabi'an anna kalam Allah wa rasul laysa marji'an lin-nas fi ma ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi shara'i'. بل هو الزبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. سبحان الله لا فنسي التكذيب لا فنسي. نعم بزي لي دوسمون لي بيان. Il y a le fait que la parole d'Allah et de son messager ne soit pas une référence pour les gens en ce qui concerne leur croyance en leur Seigneur et Dieu, dont la connaissance en celui-ci est l'un des points les plus importants contenus dans la religion, dans les religions révélées. Ah, toi là. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire qu'à la fin, vous, Al-Bida', votre marja, ce n'est pas le Coran et la Sunna, et ni la tariqa des Sahaba. Vous, votre marja, votre référence, c'est quoi? C'est vos uqul, c'est vos raisons. Et vos raisons, le problème, c'est qu'elles sont mutariba. Elles sont quoi? Elles sont contradictoires. Il ne faut pas comprendre le din avec le aql de Zayd et avec le aql de Amr. Il faut comprendre le din avec le aql qui n'a pas été pollué. Et le aql qui n'a pas été pollué. Et la raison qui a été saine, c'est la raison de qui? Des sahaba, radiallahu anhu. Vous avez compris ça, inshallah? Puisque des gens ont réussi à le comprendre, pourquoi vous n'arrivez pas à le comprendre? Voilà, c'est ça qu'on leur dit. Puisque la première génération des sahaba ont réussi à comprendre le din de cette manière-là, c'est-à-dire c'est-à-dire laïsa kamithlihi shay, et toutes ces, tout ce qu'on a vu comme qawa'id juste avant, qui en réalité sont des qawa'id d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ça on le répète toujours. Mais puisqu'il y a eu des gens qui ont réussi à le comprendre comme ça, pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous avez compris? Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a zakki ses uqul, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la tazkiyah de ses uqul, la purifié ses uqul là, il a dit que c'était la meilleure des générations et que c'était eux qui avaient compris le din, c'est-à-dire les sahaba, en disant wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, et qui ne suit pas le chemin des croyants. Et on lui donnera comme refuge le feu. D'accord ? Puisque vous ne suivez pas la tariqa des sahaba sur ça, sur les asma aussi faites, les asma aussi faites qui font partie de Zubdat al-Risala, l'essentiel, hein, même de quoi ? De la Risala, du message de l'islam. Pourquoi vous venez avec vous, 3-4 siècles plus tard, des gens qui ont un petit peu lu à droite et à gauche dans la philosophie grecque, et venir, ah tiens, moi je dis que le kalam c'est ça, l'autre il dit non, ben, moi je dis que le kasb c'est ça, le qadar non c'est ça, ils viennent avec des choses que jamais l'islam est venu avec. Vous avez compris ça, inchallah, les frères? Ça, faut bien insister sur ça. Vas-y, lis sur ça. Lis. Mais la référence, ce sont ces raisons agitées et contradictoires. Ces raisons agitées et contradictoires, ben, ils sont agités par qui? Par les shayatins. Les shayatins ta'uzzuhum azza. Comme Allah a dit, Alam tara anna arsalna shayatina ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Leur tête, beaucoup, leur tête d'Ahl Bidah, comme on a dit, c'était des kuffars. Leur tête, ta'uzzuhum azza, ils sont agités. Tu le vois, regardez les frères. Ce qui est ajib, c'est que le mubtadi' il est actif. Le mubtadi' il est actif. Il est le Coran, il a hafad le Coran, il est là, il est actif. Mais le sunni, des fois, il règle, tu vois. Il a besoin d'être un petit peu agité, un petit peu bougé pour le haq. Mais vous verrez que les gens, les obsédés d'une bid'a, les obsédés, moi je les appelle les obsédés, quand ils sont dans une bid'a, ils sont obsédés, ils sont tout le temps, du matin au soir, ils sont sur ça. Ça prouve que c'est du hawa. Ça, c'est quoi? C'est une passion. Et ces gens-là aussi, al-bid'a, c'est catastrophe. De Asha'ira, etc. C'est des gens, ils sont agités, ils sont excités. C'est Shaitan qui les pique. Comme celui qui est sur Internet, il dit, ouais, moi je défie Ahl Sunnah, venez, on va débattre, etc. Pourquoi tu veux débattre? Pourquoi? Aslan, ta aqida, elle n'existe pas. Ta aqida, Aslan, elle n'existe pas. Pourquoi tu veux qu'on débatte avec toi? Moi, je trouve que c'est même du temps perdu et inutile. C'est mieux que tu prennes ton temps à faire autre chose, à t'occuper de ta famille ou de tes enfants, que de parler avec un âne comme celui-là. Naam, c'est des himars, ces gens-là. C'est des himars, pourquoi? Parce que, déjà, ils viennent avec une chose qui n'a rien à voir avec le haq. Et ils crient, comme le himar. Ils crient, voilà. Et ils sont agités. Voilà, c'est la même chose. Ces gens, tout le temps, ils répètent leur. Ils sont agités. Et vous verrez bien que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont mutma'inni. Ahl Sunnah wal Jama'a, la sifa que tu vas voir chez eux, c'est qu'ils sont sereins, ils ont la sakina, ils ne sont pas excités. Tiens, toi tu dis ça, moi je te réponds par ça. Je te réponds avec la hujja. Et quand tu leur amènes la hujja, ça l'excite encore plus. Mais non, c'est pas comme ça, il faut que tu le comprennes d'une autre manière. Et kada wa kada wa kada wa kada. Toi tu leur amènes encore la hujja, il dit non, c'est pas comme ça, comme ça. Et il est là comme un djinn. Comme quand tu fais ruqya un djinn. Tu lui allais à tel ayat al-kursi, certains versets, khalas. Là, il se déclenche. C'est la même chose. La hujja, quand tu viens avec la hujja, généralement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts chez qui? Chez Al-Bida' Al-Ahwa. Et ça leur fait beaucoup, beaucoup de mal. D'accord? Et sachez, mes frères, que Al-Bida' connaissent, faites attention, ne rentrez jamais en débat avec Al-Bida' que si vous êtes sûr. D'ailleurs, là, c'est que tu ne rentres pas en débat avec eux. Mais si jamais un jour t'es, par exemple, nous, des fois, on se retrouve au Hajj avec des vrais Al-Bida' dans notre tente, ou sous notre tente, et là, ou là, comme ça, dans le tariq, tu te retrouves avec un vrai de vrai. Et là, il faut que tu lui parles avec hikmat, essayer de le faire revenir, etc. Et bien, sachez une chose, c'est que eux, leurs choubouhats, ils les connaissent par cœur. Vous ? Nous, le problème, c'est que t'as vu. Voilà, tu peux pas être bon dans toutes les branches. Si tu es bon dans l'asma aussi fait, tu arrives à comprendre ça. Bah des fois tu vas tomber avec un chiite, tu connais pas très bien l'histoire, ce qui s'est passé avec les sahaba, et ben il va te sortir deux trois choubahs, tu vas être oh là attends, c'est bon, allez. Tu vois pourquoi? Parce que lui il connaît ça. Sa bid'a, il la connaît par cœur. Donc attention, ne pas rentrer dans le débat avec n'importe qui. Al-asma wa sifat alhamdulillah. Alhamdulillah, al-sifat c'est facile à retenir et c'est facile à débattre. Wallah, juste tu retiens ce livre-là, ya. Tu retiens ce livre-là. Si tu l'as compris, le principal c'est de comprendre ce livre-là, le système, comment le. Vous avez compris? C'est pas que tu arpaves par cœur et tu comprends rien. D'accord? Le principal c'est que tu as compris. Si je te pose une question, je te pose une question sur l'asma wa sifat et que toi, tu es capable de lui répondre, alhamdulillah. Et c'est simple, l'asma wa sifat. Mais il y a d'autres branches, il y a d'autres branches dans la religion, d'accord, et il y a d'autres bid'ah que des gens avec qui ils sont venus, que c'est très difficile à débattre avec eux. Al-Shahid, ce que je veux vous dire, c'est que faites attention. Al-Bid'ah, ils sont agités, ça c'est une de leurs sifat. Et Al-Sunnah, ils sont calmes, ils parlent, ils sont posés, etc. Mais Al-Bid'ah, non, ils sont excités. Ils sont excités, agités, et ils sont mutanaqidin. Tu vois? Deux choses avec lesquelles tu les reconnais. L'agitation et la contradiction. Al-Bida', un des usul aussi, chez Al-Bida', une des bases avec lesquelles tu vas reconnaître Al-Bida', c'est quoi? Al-Tanaqud. Al-Tanaqud. La contradiction. Avec la contradiction, tu sais qu'ils sont sur une nullité. Tu sais qu'ils sont à la batil. Vous avez compris? Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, la première des questions qu'il leur a posées dans Tis'iniyyah, leur a dit « Ramenez-moi une définition, vous tous faites un consensus, hizbus, un vrai consensus de votre hizb là, d'accord, un vrai consensus, vous me ramenez un consensus sur la définition du kalam nafsi. Ramenez-moi. Si vous me le ramenez, là on commence un naqash. Mais étant donné que vous-même, vous n'êtes pas d'accord, regardez comment il faut leur faire, étant donné que vous-même, vous n'êtes pas d'accord sur la définition du kalam nafsi, ben on s'arrête là. On s'arrête là. Vous avez compris? Ou alors le deux poids, deux mesures aussi qu'ils font. Alors tu les vois, des fois ils donnent une règle dans un chapitre, ils disent ça c'est comme ça. Tu prends la même règle toi. Tu dis mais pourquoi là c'est pas comme ça? Vous avez compris? Tu prends la même règle qu'ils ont pris dans tel chapitre, d'accord? Et tu la mets dans un autre chapitre ou dans un autre ism ou sifa, d'accord? Et bien qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Tu vas les voir, ils vont se contredire. C'est pour ça que quand on a dit yedain, bel yadah ou mabsutatan, ils ont dit quwa, ils ont dit, on leur dit quoi? Allah il a que deux forces, vous avez compris? Et ensuite ils ont dit non, parce que et on leur dit attendez, vous nous avez dit que vous n'avez pas accepté La sifa, par exemple, du Ravab, vous ne l'avez pas accepté. Ça, vous vous souvenez? Pourquoi ils n'ont pas accepté? Je vous ai dit pourquoi. Parce qu'ils ont dit que le Ravab, c'est du sang qui monte au cerveau. Ils ont fait teshbih dans leur tête. D'accord? La chair. Nous, on leur dit, la force, c'est la même chose. Il y a la force humaine et il y a la force du Créateur. Vous avez compris? C'est-à-dire que dans chaque mot, dans chaque terme qu'ils vont utiliser, tu peux les piéger. Et comme il disait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il disait, chaque preuve que va ramener Ahlul Bida', puisqu'il est dans le faux, ça va être une preuve contre lui. C'est fort ça ce qu'il a dit. Il a dit, chaque preuve, hein, que va ramener Ahlul Bida', ça va être une preuve, moi que je vais utiliser, cette preuve-là, je vais l'utiliser contre lui. Chaque hujja qu'il va ramener, il ramène ce qu'il veut. Dans l'aql ou dans le naql. Que ça soit dans le naql, il ramène des preuves, ou dans l'aql, je vais l'utiliser contre lui. C'est pas fort ça. Ça c'est fort. Il suffit juste que toi tu médites et tu arriveras à utiliser cette hujja contre lui. Et là regarde, il dit les raisons agitées et quoi? Contradictoire. Hein? Comme je vous ai dit, la contradiction, et utilisez ça dans votre niqash. Si un jour toi tu parles avec quelqu'un, fais-le contredire. Mets-le dans le tanaqud. Tu dis ça, mais pourquoi tout à l'heure tu dis ça et après tu dis ça? Vous avez compris? Ça prouve que lui, lorsqu'il utilise une règle dans un endroit et il ne l'utilise pas dans tous les endroits, là on lui dit quoi? On lui dit, ouais, mais là tu es en contradiction. Ça, là, là. Vous avez compris? Et ça prouve aussi quoi? Ça prouve que c'est du hawa. Ça prouve que c'est des passions. Parce que pourquoi il va l'utiliser là et il ne va pas l'utiliser ailleurs? C'est-à-dire que c'est des passions qu'il a dans le cœur. Vous avez compris? Donc la contradiction prouve déjà que la personne n'a pas d'arguments solides, ses arguments ne sont pas solides. Et la deuxième des choses que prouve la contradiction, c'est que c'est quelqu'un qui suit son hawa. Pourquoi? Parce que pourquoi il le met là, il ne le met pas ailleurs. Continue. Tous ceux qui ont des accords avec elle, ils le déclarent mensonger s'ils ont la possibilité, ou bien l'altération qu'ils appellent ta'wil, interprétation, dans le cas où ils n'ont pas la possibilité de déclarer mensonger. Regardez ce qu'il dit, la chère. C'est quand même daqir, c'est quand même subtil. Il dit, dans le cas où ils n'arrivent pas à le déclarer comme mensonge. Ça veut dire qu'Ahl Bida'a, ça fait partie de leur hawa. Souvent, Ahl Bida'a, ils vont dire, par exemple, chez les Habash, tu vas chez eux, tu leur dis, l'imam Malik, il a dit ça. Il a dit, l'istiwa ma'loum, kada, kada, kada. D'accord ? Je me suis vu jusqu'à maintenant. Eux, vous savez ce qu'ils disent ? C'est du mensonge. L'imam Malik, il a jamais dit ça. Et kadhib. Ahlul Ahwa, ils sont tous pareils. Quand il n'a plus de solution, qu'est-ce qu'il fait ? Ahlul Ahwa, quand il n'a plus de solution, les gens de l'égarement, ils kadhib. Faites attention, les frères, faites attention. Quand vous débattez avec Ahlul Ahwa, moi je dis, la base, c'est que vous ne débattez pas avec eux. D'accord ? Ça, on sait. Mais si un jour t'es amené, il t'a attrapé dans une pièce, un jour t'es invité, voilà, toi il veut te faire ta fête aujourd'hui, et ben khalas, vous vérifiez les informations. Wallah les frères, il n'y a pas longtemps, il y en a un nous a dit, Cheikh l'Islam il dit ça, on est parti, on a vérifié, il a effacé au moins deux mots le mec. Il a effacé deux mots, parce qu'on voyait que c'était bizarre comment que c'était écrit. Et on est parti, on a vérifié, on a dit, regarde ce qu'il dit. Et en fait, Cheikh l'Islam, il ne disait pas ce qu'il disait. Il avait enlevé des mots. Ça a changé le sens. Et ça, c'est qui fait ça ? Yuharrifun al-kalam an mawadi'. C'est qui ? Eh, khalas ! C'est la sunna de Yahoud. Il change quoi ? Hein ? Sunna, t'as le droit de le dire, mais c'est pas le sunna dans le bon sens. Hein ? C'est la sunna dans le mauvais sens. C'est-à-dire un mauvais tariq. Parce que sunna, ça vient de tariq. D'accord ? Vous avez compris ça, mes frères ? Il vient et il harraf le kalam. Il vient et quoi ? Et il tord. Ou il enlève. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui a dit, si je pouvais effacer ce verset du Coran, je l'aurais fait. Astaghfirullah, juste pour son hawa. Wa kallama Allah Musa taklima. D'accord ? Et ils ont dit, khlas, ils ont changé. Wa kallama Allah Musa. Là, c'est Musa, c'est le fa'il. D'accord ? Et ça veut dire que c'est lui qui parle à Allah, mais pas Allah qui parle avec lui. Vous avez compris ? Regarde, ils ont fait un tahif encore dans les harakat. Taïb. Et ensuite, il y a un autre verset, il disait Wakallamahu Rabbuhu. Comment on fait ? Vous avez compris ? Rabbuhu, là, tu peux parler. Et son Seigneur, c'est son Seigneur qui lui a parlé. Vous avez compris ? Donc là, on ne peut plus, là. On a dit, ah, ce verset, si seulement j'aurais pu l'effacer. Non, mais c'est un. C'est pour ça, vérifier la vérification, les frères. Ne soyez pas. Excusez-moi du terme, des moutons. Parce que ici en France, beaucoup c'est hey, j'ai dit, tu me suis et stop. Voilà, c'est comme ça. Ça, ce minhaj-là, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit ça, c'est le minhaj de Pharaon. Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il dit quoi ? Il dit, c'est lui qui dit, tu me suis, et si tu me suis pas, hein, t'es pas bon, t'es mauvais. Ça, c'est le minhaj de qui ? Ibn Taymiyyah dit, c'est le minhaj de qui ? De Pharaon. Vous allez dire pourquoi ? Parce que Pharaon il dit dans le Coran ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil ar-rashad. Je vous guide que dans ce que je vois qui est bon pour vous. D'accord ? Et je vous guide vers une voie de droiture. Vous avez compris ? La personne qui vient et qui vous dit suis-moi. D'accord ? Et si tu me suis pas, tu es égaré, ça c'est qui ? C'est le minhaj de Pharaon. Et c'est qui dit ça ? C'est pas moi. C'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ne soyez pas des gens, cherchez toujours les preuves. Mais fou ? Et c'est à travers le fait de rechercher les preuves, à travers la recherche des preuves, que tu vas évoluer dans ta science et dans ton aql. D'accord ? Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, vous pouvez chercher la preuve. Ça ? Et vous devez chercher la preuve. Et pas suivre comme ça aveuglément. Et c'est en recherchant la preuve que tu vas évoluer dans ton dîme. Amma, tu viens. Un foulel, il a une tesquia d'un tel. Attends, je vais m'asseoir avec lui. Et tu t'assois avec lui. Puis après, lui, il te sort des trucs. Il commence à parler. Kada, il te dit, ouais, telle chose. Et toi, tu le crois dans tout ce qu'il dit. Ça, c'est khata, les frères. Wallahi, ça, c'est khata. Ça, c'est une grande erreur que font beaucoup de frères. Hein ? Et ils ont une confiance aveugle, ils ont livré leur aql à un homme comme lui. Il a livré son aql à un homme comme lui. D'accord ? Cet homme-là, il peut se tromper ou pas ? Mais la seule manière qui va faire que la seule chose qui va déterminer si cette personne-là, elle se trompe ou pas, fait au moins comme ils ont dit dans le Coran, comme Allah dit, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ramenez votre preuve si vous êtes véridique. Tu n'es pas d'accord avec moi ? D'accord. Il n'y a pas de problème. Je te ramène les preuves. T'as compris ? Mais pas tu dis, ouais, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un shirk qui a dit. Et qu'un tel a dit. Un shirk aussi, hein, faut lui demander ses preuves. Hein. Ben oui. Le shirk peut se tromper ou pas ? Taïf, khalas. C'est pas parce que khalas, t'as un shirk, t'as un tampon et khalas. Hein. Tu te permets tout ce que tu veux, c'est vrai, c'est faux. Ici, le problème de beaucoup de frères, hein, c'est ça. C'est parce qu'un tel, il a dit, je le suis. Et lui, c'est un savant, et lui, c'est un shirk, et lui, c'est ceci, et lui, c'est cela. Vous avez compris ? Alors que c'est pas comme ça. Ça s'appelle du. Hein, du taqlid. Ibn Taymiyyah à son époque, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala à son époque, il souffrait de ça. Il disait, ya farqat al-taqlid. Oh toi la secte du taqlid. Approchez-vous les frères, il y a du soleil là. Hein? La secte du taqlid. Tu suis aveuglément, ya khil karim. Pourquoi tu ne demandes pas la preuve ? Et surtout dans l'aqidah, on a mentionné le khilaf qui existait dans quoi ? Dans la aqidah, est-ce que tu as le droit de faire du taqlid dans la aqidah ou pas ? Al-rajah là, al-rajah, à la parole qu'on a retenue, c'est quoi ? C'est que non. Tu dois, tout ce que tu vas attaquer, même si tu oublies le dalil, mais tout ce que tu vas croire, il faut que tu l'apprends avec quoi ? Avec son dalil. Vous avez compris ? Comme ça, même Allah, comme ça devant Allah, subhanahu wa ta'ala, tu auras ton dalil. Amma, tu viens comme ça, et un tel dit Allah, il est fils de sa main. Hop. Tu vas, tu dis, d'accord, je te suis. Allah est la kada, d'accord, je te suis. Et tu ne demandes pas son dalil. Et wallah, plus tu vas demander le dalil, plus tu vas rechercher, plus tu vas être bien dans ta religion. Et plus tu vas avoir l'yaqin. Et on ne pourra jamais te faire trembler. Jamais. Même Ahlul Bida, ils seront devant toi, ils n'arriveront pas. Abadan. Et wallah, alhamdulillah, ça a été testé, on a vu. Les gens d'Ahlul Bida, ils n'arrivaient pas à discuter 5 minutes avec toi. Tu discutais 5 minutes avec eux, khalas, c'est comme une ruqya. Son djinn, hop, il remonte à la surface. Son petit shaytan là. Mais fou, Mirwan, on a fini ce chapitre là. Ah voilà. Et pourquoi je vous parlais de ça ? Parce que c'est le tekdib, faites attention. En fait, eux, ils ont une carte joker. Moi, je vous parle avec les termes pour bien que vous compreniez. En fait, eux, ils tirent la sonnette d'alarme, c'est quoi ? C'est s'ils n'arrivent pas, eux, ils vont faire du ta'wil, du ta'wil, ils vont interpréter, ils vont interpréter. Mais dès le départ, ils essayent de faire quoi ? De dire non, c'est du mensonge. Ça, ça n'existe pas. Vous mentez sur un thème. Il y avait une époque, il y a 10 ans à peu près, il y avait 10 ans, il disait sur un shir qu'il était revenu sur une question. Et qu'il avait écrit un livre sur la question. Wallah les frères, je ne vous dirai pas c'est quoi la question. Le mohim, c'est une question qui avait mis beaucoup de gens d'Ahle Sunna en khilaf. D'accord ? Ils ont dit, tel shir, il est revenu sur cette question. Et il a écrit un livre qui est un peu plus gros que le premier livre qu'il a écrit. Avant de mourir. Nuqsimu lakum billahi ikhwan. Que jusqu'à maintenant, on n'a même pas vu le parfum, on n'a même pas senti le parfum du livre de ce qu'ils ont dit. Et pourtant, ça a fait une fitna dans plein de pays. En Arabie, au Koweït, etc., etc. Juste parce qu'il y en a, il a sorti quoi ? Un mensonge. Faites attention. C'est pas tout ce qu'on vous dit. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, je lui disais, rentre pas. On lui disait, rentre pas dans ces histoires, rentre pas dans ces histoires, l'histoire de Jarf, là, tout ça. Là. On lui dit, rentre pas dans ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il rentrait dedans. Et on dit, d'accord. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a guidé quand même à aller voir ce que disent les opposants. D'accord ? Il est parti voir ce que disent les opposants. Ben, il s'est rendu compte que les autres, ils avaient plus de preuves contre eux. Et maintenant, il ne sait plus. Maintenant, il est là. Il est entre eux, entre les deux camps, comme un ballon, comme ça, hein, khalas. Ah, pourquoi ? Parce que tu es rentré dans ces sujets-là. Il ne faut pas rentrer dans chaque sujet, ikhwan. Déjà, un peu ta aqida, déjà, raffermé ta aqida. Rentre pas dans tous les sujets. Rentre dans les choses qui sont nafa. Et ça, vous allez me dire, Taïf, je te dis, rentre dans les choses nafa. C'est une chouba ou c'est pas une chouba, ça ? C'est une chouba ou c'est pas une chouba ? J'ai dit, vas-y, fais ce qui t'est utile, toi, yahri. C'est une chouba ou pas ? Attends. C'est pas utile de connaître le batel, akhi. Tu connaisses le batel, attention, il faut connaître le vrai minhaj. Il faut connaître le minhaj al-haq. Ahamchi, c'est pas que t'as de la science. Hein. Ahamchi, c'est quoi ? c'est que tu connaisses le haq. Regarde, avec ça, ils viennent. Hein? Moi, je te dis ça. Comment tu fais? Hein? Alors, là, ça y est, tu vois. C'est un blocage. Moi, je te ramène une parole du prophète, alayhi salam. Ihras ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Hein? Sois ihras ala ma yanfa'uk. Sois attentif à ce qui t'est utile. Me fous? La aqida, c'est ce qu'il y a de plus utile. Tu apprends ta aqida. Me fous? Après, ces choses-là, c'est secondaire, Yéhouan. Ces choses-là, c'est pas prioritaire sur la aqida. Vous avez compris? Et même ces choses-là, sarahatana, les trucs, hein? Voilà, leur truc closer version Zélavi, hein? Comme ça. Ah, non, c'est vrai, wallah. C'est quoi Closer? C'est un magazine où l'autre il parle sur l'autre, c'est ça? C'est ça, moi c'est ça qu'on m'a dit, hein. Moi après je connais pas. C'est ça. Et c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Il parle. L'autre il a autant d'erreurs que l'autre. Et l'autre il a autant d'erreurs que l'autre. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Mais fou. Ça c'est pas bon pour vous les frères. Ça c'est un da. Et ça je le répète, ça c'est un da, c'est pas bon. Ce qui est bon pour vous c'est la aqida d'abord. Raffermis-toi avec la aqida, et après tu verras où est le haq du batel. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te poser la question tu étais avec qui ou tu étais contre qui dans telle mas'ala. D'accord? Allah va pas te poser. Par contre, est-ce qu'il va te poser des questions sur l'asma sifat, c'est-à-dire sur ta aqida, hein? C'est ça le principal. Wallahi alhamd. Donc mes frères, ça je le répète, faites attention aux ahl bid'ah qui mentent et qui ont recours au mensonge, comme le dit ici, ou au tahrif. Le tahrif qu'ils appellent comment? Vous avez vu comment? Ça aussi c'est un des usul. Ça aussi c'est un des fondements de qui? D'ahl al-bid'ah. Ils appellent la chose par un autre nom. D'accord? Ça c'est une des bases d'ahl al-bid'ah. Ils te disent, nous on fait le ta'wil. D'accord? On fait le ta'wil, et le ta'wil chez les salafs ça existait. Mais le bon ta'wil, c'est-à-dire le ta'wil qui expliquait le sens. D'accord? Parce qu'il y a un livre, c'est le plus grand tafsir qui existe à ma connaissance, un des meilleurs et des plus grands tafsirs qui existent à ma connaissance, c'est le tafsir de qui? De l'imam Tabari. Non, Tabari. D'ailleurs, Ibn Kathir, il prend de Tabari. Il l'appelait comment? Ta'wil al-Qur'an. Est-ce que ça veut dire c'est le ta'wil 2 là? Hacha? Non! Ta'wil al-Qur'an, ça veut dire quoi? La bonne explication de quoi? Du Qur'an. Ta'wil, il vient sur plusieurs ma'nas qu'on verra, inshallah, plus tard. D'accord? Mais eux, ils te disent, nous, on a fait le ta'wil. Mais sauf qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils ont fait le tahrif. Ils ont dévié le sens de quoi? Du mot. D'ailleurs, soit ils dévient le mot, soit ils dévient le sens du mot. Afin d'arriver. Istawa, ils ont dit quoi? Istawla. Wahakada. Fahimtum yakhwan? Donc regardez les deux au sol. On traite de mensonge ou alors on tord le sens. On change le sens. Vous avez compris? Et ça, il faut faire attention. Mais comment toi, tu vas savoir la vérité dans ça? Si tu vas jusqu'au bout et tu cherches la preuve. Et non pas seulement la preuve, mais l'authenticité et la bonne compréhension de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la preuve, il faut qu'elle soit authentique. D'accord? D'accord? Et le bon sens de cette preuve. Et non pas une mauvaise interprétation ou une traduction. Vous avez compris? C'est ces deux éléments-là que tu dois rechercher dans une preuve. Vous avez compris ça, mes frères? Taïb. Parce qu'il y a le fahm aussi, saqim. Il y a la mauvaise compréhension aussi. Taïb. Continue. Khamisan annahu. Hein? C'est ça? Khamisan annahu yelzam minhu jawaz nafyu ma athbatahu Allah wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والمترودية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. الله أكبر. سوسي والله يا سبحان الله لا توع مني عجيب. طيب ليني لا que cela sous-entend la négation de ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont affirmé. Certains disent concernant la parole... Attendez, pourquoi il y a la négation? Parce qu'il y a un mauvais ta'ouil. Ce n'est pas le sens apparent de quoi? Du texte. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il y a quoi? Une négation. Ja'a rabbuk, ils ont dit quoi? Ja'a amuru rabbik. Ça c'est dans le Jalalayn, hein? Dans le tafsir de Jalalayn que presque tout le monde a, de Suyuti. S'il n'est pas corrigé ce livre-là, sachez qu'il y a de l'ash'ariya dedans. D'accord ? Ja'a amru rabbik. Est venu le décret, l'ordre de ton Seigneur, yawm al-qiyam. Alors que le siyaq, le contexte montre bien que c'est Allah qui vient en personne, avec les anges. D'accord ? Taïb, mais eux, pourquoi ? Ils ont dit ça ? Parce que pour eux, voilà, ça sous-entend que Allah vient et qu'il est entouré. Et qu'il est dans un endroit bien précis, et le créateur de l'autre, d'accord ? Nous, on ne sait même pas comment il est Allah, et eux, ils disent tout ça. Nous, on ne sait même pas. Hein? Hein? Ça, c'est l'i'tiqad des Asha'ira. Mais regarde, eux, ils ont une shubha. Là, ils ont une shubha. Ça, c'est l'i'tiqad des Asha'ira. Que comme quoi, Al-Maji, c'est pas Al-Maji. Si c'est que ça, ça, c'est min al-bida. Comme je vous dis, moi, l'Asha'ira, il y a un khilaf. Rélève si c'est des musulmans ou pas. Hein? Pas si c'est des hèches. Si c'est des. Mais après, la majorité des savants, de ceux que je connais, sans faire du rouleau sur eux, sans faire de l'exagération sur la Sha'ira, la majorité des savants voient quoi? Voient que c'est des Ahlul Bida. D'accord? Ils voient que c'est des innovateurs. Hein? Oui, ils ont un ta'wil. C'est ce qu'on a expliqué au début du cours. D'accord? إن كان فقط هذا الاعتقاد فقط في هذه المسألة هذا تأويل parce que vous allez voir que ça se dit en arabe. Je vous donne un exemple. Bouzaïd, pourquoi je dis Bouzaïd moi aussi, bon bref, Bouzaïd est arrivé à Argenteuil. Vous me suivez quoi? Bouzaïd est arrivé à quoi? Il est arrivé où? À Argenteuil. Alors que moi je suis où? Je suis là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la da'wa de Bouzaïd, l'ordre de Bouzaïd, la bande à Bouzaïd, etc. Elle est arrivée où? Hein? Elle est arrivée à Argenteuil. Ça se dit ou ça se dit pas ça? Poutine, bon, on va prendre un truc. Poutine est arrivé en Ukraine. Est-ce qu'il est arrivé en personne? Il est arrivé ou pas? Il est en Ukraine en ce moment, Poutine? Non, il est en Russie, ça. Mais c'est qui est arrivé? Son âme. Vous avez compris? Un da'i, il est arrivé quelque part. Ça ne veut pas forcément dire que quoi? Que c'est lui en propre personne qui est arrivé. Vous m'avez suivi? Donc c'est quoi, c'est ça? Da'wa. Ça se dit ça ou pas? En arabe, ça se dit ou pas? En français, ça se dit. En arabe aussi, ça se dit. Donc, est venu l'ordre de ton Seigneur. Ça se dit ou ça se dit pas? Est venu l'ordre de ton Seigneur. Plutôt que dirais-je, hein, est venu ton Seigneur en personne. Le asl, c'est quoi? Le asl, c'est qu'il est venu en personne. Mais c'est parce que vous savez que je suis où? Que je suis ici, ou plutôt on va prendre l'exemple de Poutine pour être plus clair, hein? Vous savez que le chef d'État des Russes, il n'est pas en Ukraine, mais que quoi? mais que c'est son armée qui est où ? Qui est en Ukraine. Ça veut dire que c'est ses ordres qui sont en Ukraine. C'est un da'wa qui est en Ukraine. Vous avez compris ? Ça, ça se dit dans la langue. Ça, ça se dit dans la langue. D'accord ? Toi, c'est quoi qui t'a fait dire que ce n'est plus lui-même en personne, hein, qui n'est pas sur les lieux ? C'est quoi ? C'est qu'il n'y est pas. Et que c'est autre chose qui est à sa place. C'est vrai, c'est parce qu'on sait aussi. Et c'est parce qu'aussi on le sait. D'accord ? Mais si je le dis, si à première vue je le dis, directement si je le dis, hein, comme ça, le sens apparent c'est quoi ? C'est qu'il y est. C'est vrai, c'est faux. Taïb. Maintenant regardez. Ja'a Rabbuk. Vous me suivez ? Ja'a Rabbuk. Wal malakou, safan saf. Et ton Seigneur arrive. Va arriver yani, ce jour-là. Ja'a Rabbuk. Arrivera ce jour-là. Taïb. La règle, c'est que c'est lui qui vient en personne. C'est Allah qui vient en personne. Ça, c'est ça la règle. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Ce qui vient en personne. Alors, nous, on posera la question aux Asha'ira, ceux qui font le ta'oul de ça. Quel est votre dalil pour sortir de ce sens propre, hein, et ce sens apparent du texte vers le sens figuré? Vous avez compris ? Quel est votre dalil ? Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Et voilà, et là tu le bloques. Et là tu l'attrapes. Pourquoi ? Non, parce que ça veut dire ça, parce que ça. Non. C'est un magie, une arrivée. Le magie, hein, c'est l'arrivée, qui lui est propre à lui. Pourquoi t'es parti t'imaginer qu'il sera dans un endroit, que kada, ou kada, ou kada, ou kada. Là, il s'est kamit l'ishay. Vous avez compris, Inch'Allah. Il dit oui, mais c'est parce que par rapport à ce qu'il nous a khatab avec nos uqul, Allah. D'accord ? Et ça, on lui a donné l'explication, même avec la raison. On avait dit, il est possible que, hein, par exemple, tel sifa existe chez un makhlouq, chez une créature, et qui a le même nom, mais qui n'est pas pareil chez un autre makhlouq. À plus forte raison, quoi ? Le khaliq et le makhlouq. Le créateur et le makhlouq. Vous avez compris ? Mais faut faire cet enchaînement-là. Sinon, lui, après là, il s'en sort plus. Hein. Moi, je vous le dis, là, à ce moment-là, il s'arrête. Il s'en sort plus. Dis, alors, pourquoi, mon Rabbi ? Non, parce que tu ne peux pas dire que c'est Allah qui vient en personne. Pourquoi ? Parce que mon aql n'accepte pas ça. Vous avez compris ? Khalli l'aql ta'ak. Hop, khalli, laisse ça comme il te l'échec. Khalas, baqi, magi, kama yalikoubi. Un arrivé qui lui est propre. D'accord ? Cette sifa, al kalam ou fi, ish ? Fi sifat, kal kalam fi, ish ? Fi dhat, c'est la règle. Vous avez compris ? Hop, toutes les règles, hop, tout de suite, elles s'appliquent. Vous avez compris, Inch'Allah ? Voilà. Maintenant, lis. Tu vas comprendre maintenant qu'est-ce qu'il veut dire. Certains disent concernant la parole du Très-Haut, ton Seigneur est venu. Il, le Seigneur, n'est pas venu concernant le dire du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde. Il n'est pas descendu car le fait de rapporter la venue et la descente à Allah est pour eux une métamorphe. Hein? Une quoi ? Métaphore. Métaphore, ouais, non, c'est le majaz. Le signe le plus explicite de la métaphore chez ceux qui la professent, c'est la validité de la négation de ce qui est joint à Allah. La négation de ce que Allah et son messager ont affirmé est la plus grande des nullités. Arrêtez-vous là. Regardez. La métaphore, le majaz, une des caractéristiques qu'il a, c'est que on peut le rendre nul, l'annuler. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de quoi ? Du sihaq. Ça va dépendre du contexte. Il est possible que je te dise, hein, Allah, par exemple dans cet exemple-là, Allah arrivera, yawm al-qiyama, d'accord ? Ou plutôt on va prendre l'exemple de l'exemple de quoi ? L'exemple du fait que le sens figuré, le majaz, tu peux quoi ? Il n'a pas une règle absolue. Tu peux l'annuler. Est-ce qu'il est possible qu'on annule un acte d'Allah ? A'oudhou billah. Vous avez compris ? Est-ce qu'il est possible qu'on annule quelque chose comme ça directement avec notre aql ? Parce que notre aql a décidé telle chose, vous avez compris ? parce que notre aql a décidé que ce n'est pas le magi qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est autre chose. Pourquoi? Parce que mon aql a décidé autre chose. Là, c'est comme si tu jouais. Et c'est comme si tu disais que toi, c'est ton aql qui jugeait et ce n'est plus le sens propre du texte. Alors que c'est le sens propre du texte qu'il faut que tu acceptes directement. Vous avez compris? Une des bases de la métaphore, et une des bases. Relis qu'est-ce qu'il a dit là, tu vois. Relis à partir du moment où il a dit. Le signe le plus explicite de la métaphore chez ceux qui la professent, c'est la validité de la négation de ce qui est joint à Allah. La validité de la négation. Vous avez compris? C'est que c'est possible que non. Vous avez compris? Ce qui est joint à Allah, subhanahu wa ta'ala, ici c'est quoi? C'est l'arrivée, c'est le magie. Et bien il est possible que ça soit. Voilà. Que ça soit autre chose. Et puisque il y a cette possibilité là, alors il y a la possibilité que tu mentes sur le texte. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Et puisqu'il y a cette possibilité de mentir sur le texte, alors le sens, la métaphore, tu n'as pas le droit de le prendre. Ma foi, dans tous les cas, tu n'as pas. Ça veut dire que même en soi-même, tu n'as pas le droit de le prendre. Vous avez compris, inchallah. Quand je vous dis un lion a fait la khutba, un lion a fait la khutba. D'accord? Un lion a fait la khutba. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire oui, c'est un homme qui est courageux, qui a fait la khutba, etc. Mais ça peut être annulé par quoi? Par le fait que la métaphore, elle n'a pas une règle. Hein? La règle, elle va se suivre de par rapport à quoi? De par rapport au contexte. Et si le contexte ne le prouve pas, eh ben la règle, elle est nulle. Vous avez compris, inch'Allah? Et eux, comme on sait que c'est leur uqul, c'est leur raison agitée, hein, et contradictoire, qui juge si là c'est bon et là c'est pas bon, et ben nous on leur dit non. Nous on leur dit qu'on peut pas accepter ça. Vous avez compris, inch'Allah? Très. Il ne peut en être disjoint par une interprétation parce qu'il n'y a rien dans le contexte qui prouve cela. Voilà. Il n'y a rien dans le contexte qui le prouve. Le contexte, Allah vient Yom Al-Qiyamah. C'est quoi qui nous fait dire, même dans notre aql, c'est quoi qui nous fait dire que ce n'est pas Allah qui va venir? Nous, toutes les sifats, tout ce que vous avez appris là jusqu'à maintenant sur les sifats, on dit la sifa lui est propre. Laysa kamithlihi shay, khalas. On ne rentre pas nous dans les détails. Nous, est-ce qu'on sait comment Allah il est? Non. Donc pourquoi on va dire que telle chose n'est pas possible? Telle chose est impossible. C'est-à-dire le fait qu'Allah arrive. Pourquoi on va le dire? À part si on a un aql qui est comment? Hein? Qui est agité, qui est contradictoire. Leur raison agitée. Ça, mais sinon, notre aql, il accepte qu'Allah vient yom kama. Laysa kamithlihi shay. Son magie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sifa. C'est vrai ou c'est faux? Al-kalam fi sifat kal-kalam fi al-dhat. Prenez cette règle-là à chaque fois. Son magie, c'est quoi? Son arrivée à Allah, c'est quoi? C'est connu ou c'est inconnu? C'est de l'inconnu, c'est vrai, c'est faux. Pourquoi moi je vais venir, je vais te dire non, parce que, puisque c'est inconnu, puisque je ne le sais pas. Ça sert à rien que je philosophe sur ça. C'est vrai, c'est faux. Eux, ils sont philosophes. Vous avez compris maintenant? Al-kalam ou fi sifat, la parole sur les attributs d'Allah, c'est comme si tu parlais de qui? D'Allah. Ça, c'est la règle qu'on a appris. Al-kalam fi sifat, kal-kalam fi dhat. Et le dalil, c'est quoi? Laysa kamithlihi shay. Et quand tu dis laysa kamithlihi shay, ça veut dire quoi? Laysa kaf'alihi shay. Ses af'al ne ressemblent à af'al de personne. Ma foi, sa parole ne ressemble à la parole de personne. La kada ne ressemble à. Toutes les sifats d'Allah ne ressemblent pas aux sifats de qui? Des makhloukins. C'est ça que ça veut dire. Laysa kamithlihi shay. Vous avez compris? Taïm. Continue. Ensuite, parmi les adeptes du déploiement des mots de leur sens, il y a celui qui généralise sa règle à l'ensemble des attributs, donc il l'a également étendu au nom du vivant. Il y a parmi eux celui qui se contrarie, il atteste certains attributs, parmi d'autres, comme c'est le cas pour les Ash'ari et les Maturidi. Alors comme on a dit que de toute façon Ahlul Ta'til à la base c'est qui? C'est le Jahmiya. Et leur fils spirituel c'est qui? Les Asha'ira, etc. Eux ils ont un Ta'til partiel. Mais les autres non, ils ont un Ta'til qui est absolu. D'accord? Il y en a certains, ils ont un Ta'til, un dépouillement des noms, des attributs comme ça général, comme ceux qui ont dit Allah il est Samir sans Sam', Allah il est Basir sans Basar. Ça c'est le Jahmiya, c'est le Kuffar. Après, ceux qui sont venus en dessous d'eux, et qui ont pris et qui ont bu de ce lait-là, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui ont bu de ce lait-là, et bien eux également, ils ont un ta'til, mais il est juz'i. C'est pour ça qu'on dit que c'est une jahmiya, c'est un tahrif qui est juz'i, qui est partiel. D'accord ? Parce qu'ils n'ont pas tout refuté. Ils n'ont pas tout refuté, mais ils ont refuté une partie et pas tout. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ça qui les a un peu sauvés. Sinon, ça aurait été quoi ? Sinon, ça aurait été la même chose, avec un autre nom, c'est tout. D'accord ? Mais c'est ça qui les a sauvés. Et des grands savants sont tombés dans l'acharisme. Non ? Des grands savants. Mais pareil, les grands savants, ça on l'a expliqué dans le cours qui était avant, les grands savants qui sont tombés dans l'acharisme, c'est quoi qui les a sauvés ? C'est les efforts qu'ils ont faits pour l'islam. D'accord ? Les grands efforts, les grands livres, les grandes références, les grandes explications qu'ils ont faites, les grandes recherches qu'ils ont faites pour l'islam, c'est ça qui les a un petit peu sauvés. Mais s'ils avaient fait ça, s'ils avaient fait ces livres-là pour imposer leur aqidah ou pour détourner les gens de la vérité, là, et on l'aurait senti ça à travers plusieurs indices, et ben là on leur a dit quoi ? On leur a dit non. Voilà, ces livres-là, on peut les brûler et on vous dit c'est la moralité. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe chez certains livres, hein, que certains ulama ont demandé, on fait des fatwas, on fait la fatwa de le brûler. Hein, certains livres, il y avait la fatwa à l'époque du livre Ihya Ulumuddin, et que les gens du Maghreb avaient appelé comment ? Imatat Ulumuddin. Hein, la réification des sciences religieuses, d'accord ? De Al-Ghazali, Abu Hamid, l'ancien, d'accord ? Il était venu au Maghreb. Ce livre-là, ils ont dit, c'est quoi ce livre ? C'est le soufisme en puissance, hein, c'est même pas du soufisme, c'est Audoubillah, il y a des choses dedans, Allah Musta'an. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ahl al-Maghrib, ils l'ont appelé Imatat Ulum al-Din, c'est la mort des sciences religieuses. Et ensuite, ils ont fait une fatwa, ils ont dit qu'il fallait le brûler et qu'il ne fallait pas qu'il rentre. Et sachez que les Malikites, c'était les gens les plus durs sur la bid'a, contre la bid'a. Et c'est ceux qui ont écrit les meilleurs livres, Vedd al-Bid'a. Mais aujourd'hui, beaucoup de Malikites, ils sont dans. Ils sont dans la bid'a, beaucoup. Hein? Ils ont attesté, ceux qu'ils ont attesté pour argument, le fait que la raison le prouve. Ils ont nié ceux qu'ils ont nié avec pour argument, le fait que la raison le nie ou ne le prouve pas. Nous leur disons, ce que vous avez nié avec pour argument, le fait que la raison ne le prouve pas, peut être attesté par la voie rationnelle avec laquelle vous avez attesté par les preuves textuelles du Coran et de la Sunna, par exemple. Il y a le fait qu'ils ont attesté l'attribut de la volonté et ont nié l'attribut de la miséricorde. Ils ont attesté l'attribut de la volonté du fait que les textes et la raison le prouvent. Quant au texte Coran et Sunna, il y a entre autres, cependant Allah fait ce qu'il veut. Quant à la raison, il y a le fait que la diversité des créatures et la particularisation de certaines d'entre elles avec laquelle se particularise avec laquelle se particularise au niveau de leur être et leur description, qui est une preuve par la raison. Ils ont nié. T'as dit, Mithal ou Dalek al-Nawmad va tout sifat l'irada ou al-Nafou al-Rahma. D'accord ? Ils ont dit la volonté, on l'accepte. Regardez, ça, c'est le problème avec les Asha'ira. Maintenant, eux, ils vont faire le choix. Ils vont choisir. Des fois, ils vont dire là, c'est bon. On affirme cette sifa. Et des fois, ils vont dire quoi ? Ils vont dire non. Mais il va leur prouver, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Kalam Shah al-Islam, chaque preuve que vous nous ramenez, que vous nous apportez dans un sujet, je vais la mettre contre vous. De la même manière que vous avez affirmé quelque chose, je vais vous montrer que ça, c'est contradictoire, hein, dans votre manière d'affirmer autre chose. Le deux poids deux mesures. Pourquoi là vous affirmez et pourquoi là vous n'affirmez pas ? Vous avez compris ? Et là, ce tanaqud, cette contradiction, va prouver qu'ils sont sur une nullité, sur un batil. Vous avez compris ? Et que là, ils sont plus crédibles. Mafoum ? Que là, ils sont plus crédibles. Ils sont plus crédibles. Regardez maintenant ce qu'il dit. Hein ? On répète, il dit « وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَذْبَتُوا صِفَاتَ الْإِرَادَ وَنَفَوُ الرَّحْمَةِ أَذْبَتُوا صِفَاتَ الْإِرَادَ لِدَلَلَةِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ عَلَيْهَا. D'accord ? Ils ont dit, hein, nous affirmons la sifa de l'irada, c'est-à-dire la volonté, et nous refusons la sifa de la rahma. Alors pourquoi ils ont dit rahma ? Parce que la rahma, ça succombe, ou plutôt ça incombe le fait que qu'il y ait une gentillesse, qu'il y a, comment dirais-je, un penchant vers le khalq, etc., etc. Ils ont dit ça ressemble à quoi, hein? Ça ressemble aux créatures. Regardez, hein? Ils ont dit quoi? Ça ressemble aux créatures. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça ressemble aux créatures. Taïm, regardez ce qu'il dit. Ensuite, il dit Azbatu sifat al-irada lidilat sam' wa al-aql. Pour eux, premièrement, hein, la sifa de l'irada, elle existe dans quoi? Elle existe dans les textes et elle existe également dans quoi? Dans le aql. D'accord? Dans le aql, l'irada. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit par contre, l'irada c'est obligé sur Allah. Ils ont dit pourquoi? Parce que ça se voit qu'Allah a voulu ce monde, a voulu telle chose, a voulu telle chose. Donc c'est quoi? C'est le aql qui a fait, qui ont dit que ce. N'importe quoi. Hein? Ils ont dit, khalas, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ce monde, donc khalas, c'est obligé que c'est un être mourid. C'est-à-dire c'est un être qui a une volonté. Allah. Regardez comment il dit. أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد خلاص طيب il y a des textes aussi qui disent الله يرحم من يشاء pourquoi vous avez dit non sur la rahma on va arriver hein. Il dit وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة طيب et ils ont dit également que le fait qu'Allah il a voulu ce monde, c'est-à-dire la différence qu'il y a et qui existe entre les créatures montre bien qu'il y a quoi? Qu'il y a une volonté derrière cela et qu'il y a une volonté divine. Donc Allah, on peut lui affirmer la volonté. Vous avez vu tout le sujet? Pourquoi tout ça? Pourquoi vous arrêtez pas au texte? Pourquoi il y a un texte qui vient? Pourquoi tout ça? Ça c'est quand tu es touché par la maladie de quoi? La maladie de la falsafa, de la philosophie, qui est en vérité, la philosophie, ça je vous le dis toujours, hein, c'est l'explosion des uqul sanima. La philosophie, c'est l'explosion de quoi? Des raisons saines. Un gars qui lit la philosophie, à la fin, il ne fait rien, il n'affirme rien. Vous avez compris? Il n'affirme rien puisque c'est son aql qui va affirmer quelque chose à la fin. Je prends ce livre, il va dire, c'est pas un livre ça. C'est dans ta tête que c'est un livre. Mais en vérité, tu peux dire que c'est un stylo. C'est ça, Allah, c'est ça la falsafa. Regardez, la falsafa, c'est comment te rendre contradictoire. Comment, regarde, ils te disent thèse, antithèse. C'est vrai, c'est faux. On l'a appris ça à l'école. Thèse, antithèse. Ils te disent d'abord, tu fais une affirmation ou tu fais une négation. Donc tu dois ramener un maximum d'affirmations sur le sujet qu'ils te donnent et les côtés négatifs aussi. D'accord? En fait, il apprend à te faire cette gymnastique de quoi? Entre le nafiu et l'ifbat. Entre quoi? Entre la négation et l'affirmation. Mais à la fin, tu n'affirmes rien. Puisque c'est celui qui va montrer à travers cette gymnastique. Écoutez-moi bien, les frères. Hein, je sais très bien qu'est-ce que c'est. C'est celui qui va trouver à travers cette gymnastique de la thèse et de l'antithèse. D'accord? Qu'il n'est impossible d'affirmer ou de quoi? Ou de nier, qui va avoir la meilleure note. C'est vrai, c'est faux. Il finit avec des questions ouvertes. Hein? Il finit avec des questions ouvertes. Mais ça, c'est vrai, c'est faux ce que je vous dis. C'est vrai. C'est celui qui fait la gymnastique là, entre les deux, là, qui arrive à quoi? Qui arrive à rendre la chose un vrai problème, un vrai dilemme, alors qu'en vérité, la chose, ce n'est pas un problème du tout. Tu vois? D'accord? Eh bien, il va avoir quoi? Il va avoir la meilleure note. Mais pourquoi il nous appelle et pourquoi il nous enseigne ces choses-là? Pourquoi? Pour mettre le chèque. Pour mettre quoi? Le doute. Ça veut dire la religion va arriver. Ça veut dire non. Ça, et allez, ça y est, tu vas commencer à faire la gymnastique dans tout. Le prophète sallam l'a dit, ouais, mais non, mais quand même, hein? Allah, il a dit, quand même, mais est-ce que Allah il existe déjà? C'est vrai, c'est faux. Il remet tout en quoi? En question. Et c'est pour ça que c'est des majanines. Ces gens-là, c'est pour ça que c'est des genoux. Vous avez déjà vu là l'autre, là, le dernier, la philosophe. Là. Quand tu les vois, leur hala, même leur extérieur, ils ont les cheveux en l'air. Ils n'ont aucun iram. Les cheveux en l'air, une chemise comme ça, qu'on dirait, c'est un fou. Wallah. Et ils parlent, ils tremblent. Là, moi, je les... Ils tremblent, ils crient. Des majanines. Ça, là, là. C'est vraiment des majanines. Ils te disent qu'à la base, elle faille le soufa, c'est quoi? C'est l'amour de la sagesse. Mais ça, c'est pas des sages, ça. Ça, c'est des sages. C'est des sages, c'est des khorot, ça. C'est pas des sages, ça. Eux, ils aiment la sagesse, eux. Ils aiment la sagesse que quoi ils veulent. On va laisser la philosophie de côté. Mais en vérité, ces gens-là, les Asha'ira, ont été frappés par ça, par la philosophie. D'accord ? Au nom de l'ouverture, de quoi ? Intellectuelle. Et c'était le Ma'moun qui avait fait rentrer quoi ? Les livres, Bayt al-Hikma. Et il avait fait quoi ? Il avait fait traduire les livres de quoi ? De falsafa. Et ces livres de falsafa étaient dans le marché avant même Sahih al-Bukhari. Alors que Sahih al-Bukhari existait depuis une cinquantaine d'années ou plus. C'est pas grave ça ? C'est-à-dire, attention, les médias à l'époque, il avait bien calculé son coup, Al-Ma'mouf. D'accord ? Taïb. Allah musta'an. Donc, on revient sur Al-Aql. Al-Aql, vous avez compris ? Comment les Asha'ira, ils ont dit avec le Aql, bon, les textes, bon, heureusement qu'ils affirment avec les textes. D'accord ? Ils ont affirmé avec les textes, Taïb. Nous, on leur dit, ben, pourquoi vous affirmez pas Rahma avec les textes ? Mafoum ? Taïb. Avec le aql, eh ben on va voir comment on va mettre la rahma avec le aql. Regardez ensuite qu'il dit. وَنَفَوْا الرَّحْمَةَ قَالُوا لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ لِينَ الرَّاحِمِ وَرِقَتِهِ لِلْمَرْحُومِ وَهَذَا مُحَالٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَّلُ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ الْمُثْبِتَةِ لِلرَّحْمَةِ إِلَى الْفِعْلِ أَوْ إِرَادَةِ الْفِعْلِ فَفَسَّرُوا الرَّحِيمَ بِالْمُنْعِمِ أَوْ مُرِيدِ الْإِنْعَامِ. Dis-moi ça, quand ils ont réfuté la rahma. Par exemple, il y a le fait qu'ils ont attesté l'attribut de la bonté et nié l'attribut de la miséricorde. Ils ont attesté l'attribut de la bonté du fait que les textes et la raison le prouvent. Quant au texte, il y a entre autres, cependant, Allah fait ce qu'il veut. Donc là, le texte, il est clair. Sur le fait qu'Allah fait ce qu'il veut, n'aim. Quant à la raison, il y a le fait que la diversité des créatures et la particularisation de certaines d'entre elles avec laquelle se particularisent au niveau de leur être et leur description, qui est une preuve par la raison. Donc voilà, ils ont regardé quoi ? Ils ont regardé le khalq, ils ont dit bon, bah, ça prouve qu'Allah il veut quelque chose, donc il a la volonté. Taïb, continue. Ils ont nié la miséricorde, ils ont dit c'est parce qu'elle suppose la douceur de celui qui est miséricordieux. Okay. Une bienveillance de sa part pour celui à qui il est fait miséricorde. Vous avez vu ? Ça, c'est leur falsafa. Regardez, hein, pourquoi ? Parce que ça incombe cela, etc. Continue. Cela est impossible lorsqu'il s'agit d'Allah du Très-Haut. Ils ont interprété les preuves textuelles qui attestent la miséricorde. Pourquoi c'est impossible ? Pourquoi vous avez dit c'est impossible déjà ? Pourquoi vous dites ça, c'est impossible ? Vous venez, vous décidez, vous à la place d'Allah à la fin. C'est ça. C'est-à-dire que leur aql, il est au-dessus des textes. Et c'est pour ça qu'on a dit aql muqaddam ala naql chez eux. Vous avez compris ? On a répété cette règle-là. Le aql, il est muqaddam ala naql. C'est-à-dire le aql est au-dessus des preuves, des textes. Et on continue. On a la miséricorde jusqu'à dire que c'est l'acte ou la volonté de l'acte. Ils ont expliqué. Et alors ils ont dit, regardez, ils ont dit c'est l'acte ou la volonté de l'acte sur la rahma. Vous avez compris ? C'est l'acte, oui ? Ah non, c'est sur quoi là ? Hein ? Si, ils ont dit. Hein ? Naam, sur la miséricorde, oui. Fassaruha rahim, bil mun'im, ou iradatesh al-in'am. La volonté de l'acte, la volonté d'être bienfaisant. Et non pas la bienfaisance en elle-même. C'est-à-dire la rahma, la clémence en elle-même. Taïb, continue. Ils ont expliqué ar-rahim en disant le très miséricordieux, en disant que c'est celui qui accorde les bienfaits. Ou celui qui veut accorder les bienfaits. Nous leur disons, la miséricorde est attestée et attestée à Allah du Très-Haut par les preuves textuelles. Regardez, d'abord, il faut les textes. Nous on a dit, on ne sort pas des textes. On commence d'abord par les textes. Continue. Les preuves de son attestation sont bien plus nombreuses et variées que les preuves de la volonté d'Allah. Voilà. Déjà, l'irada, elle existe dans le Coran et tout, elle est citée. Mais la rahma, quand même, elle est beaucoup plus citée. C'est vrai, c'est faux. Donc, même en termes de quoi ? En termes de chiffres, hein, et c'est-à-dire que la rahma, combien de fois elle est citée dans le Coran ? Elle est beaucoup plus citée de fois que quoi ? Que. Et nous, une seule fois, ça nous suffit, attention. Mais on est en train de juste rentrer dans quoi ? Dans un iqash, là. D'accord ? Si vous vous dites, en termes de texte, en termes de texte et en termes de nombre de textes qui prouvent cette chose-là, déjà sur ça, vous êtes, déjà sur ça, vous êtes, comment vous, vous dites que l'irada s'établit avec un ou deux ou trois textes, alors que le Rahma, il y en a beaucoup plus. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et en plus, pas qu'en adat, pas qu'en nombre, même en tanawwu', même en sorte. Ça veut dire que des fois, Allah, il va utiliser le fi'l. Yarhamu mayyasha. Il va utiliser le fa'il ar-Rahman. D'accord? Etc. Etc. C'est-à-dire que même dans les variantes qu'il va utiliser Allah subhanahu wa ta'ala pour affirmer la sifa, ben ça c'est largement plus grand que l'irada. Donc là, ça, il rentre quand même dans un tanakud. Là, il rentre déjà dans une contradiction. Continue. Comment ils font pour. Mais comment ils espèrent entrer au paradis et ils disent qu'il n'y a pas de Rahman? Khalli, khalli, on va continuer. Khalli, ça c'est autre chose. Eux ils te disent c'est irada tel in'am, ils font un ta'wil. Eux ils font quoi? Ils font un ta'wil. Un ta'wil ça veut dire quoi? On a dit que c'était une interprétation. Eux ils ont une autre compréhension de la rahma, mais ils ne voyaient pas qu'il y a la rahma. Elles sont mentionnées avec le nom, comme par exemple l'infini miséricorde, avec l'attribut, ton Seigneur le tout pardonnant qui possède la miséricorde. T'as vu, regarde, sifa, subhanallah. Là, on a l'isme, après on a le sifa, continue. Ensuite, avec l'acte, al-fi'l. Il fait miséricorde à qui il veut. طيب. ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العباد هكذا تترى ça veut dire suivi hein. على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا يعني ليس موقع لي Et là, long, que la miséricorde soit attestée par la raison, les bienfaits qui appuient sur les serviteurs de toutes parts et les hostilités que l'on éloigne d'eux à tout moment sont une preuve de l'attestation de la miséricorde à Allah Azzawajal. Sa signification à ce sujet est bien plus explicite et plus manifeste que la signification de la désignation de la volonté pour manifester cela à la particularité et à la généralité. Contrairement à la signification de la désignation de la volonté, car il ne se manifeste que des cas isolés parmi les gens. Taïb, donc regardez. La volonté, on voit bien que ça se désigne, mais par des choses, yani, entre guillemets, on va dire, des choses qui comme il dit ici, qui sont moins nombreuses que quoi? Que la rahma. La rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, la rahma, on voit bien qu'Allah yirahma al-ibad. Et sa rahma, elle est quoi? Elle est devant sa colère, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma rahma est l'emportée sur ma colère. Une rahma tira la bête, ghadami. D'accord? Et on voit bien à travers sa rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré hein, que yirham hatta al-kafir. Attention, quand on dit yirham al-kafir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah lui donne à manger. Il lui donne à boire, ça aussi c'est une rahma, c'est bon, c'est fou. Taïb, ça aussi c'est une. Et ça, c'est quand même bayin ou pas? C'est quand même voyant. D'accord? Taïb, ensuite, regarde ce qu'il dit. Quant à la négation de sa miséricorde avec argument le fait qu'elle implique la bonté et la bienveillance, sa réponse est que si cet argument était juste, il aurait été possible de nier la volonté avec quelque chose de comparable. On dit. Ça veut dire que, regardez, là, l'irada, vous nous dites, Rahma, pourtant, on l'a vu, elle est plus générale, et même dans l'aql, on la voit plus. Même là, on l'a... Vous avez témoigné de la volonté d'Allah à travers ses créatures. Ben, nous, on a témoigné aussi de la miséricorde d'Allah à travers ses actes, Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah? Par exemple, pourquoi l'animal donne, l'animal féroce, l'animal prédateur, pourquoi il va donner à manger à son enfant? Ça, c'est de la rahma. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est une rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le kafir donne à manger à son fils? Ça aussi, c'est une rahma. C'est vrai ou c'est faux? C'est bien quand même beaucoup plus voyant que ce que vous avez apporté comme argument qui est l'irada. Bon, donc ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, si vous dites c'est par témoignage, nous on vous dit aussi c'est par témoignage. Maintenant, regardez, maintenant on va dire, maintenant on va retourner la chose contre vous. On va vous dire, si vous, l'irada, répète celle-là, répète encore celle-là, parce que celle-là, il faut la finir quand tu lis. Vas-y. Quant à la négation, je répète ou je finis? Ouais, répète et finis. Quant à la négation de sa miséricorde avec pour argument le fait qu'elle implique la bonté et la bienveillance, sa réponse est que si cet argument était juste, il aurait été possible de nier la volonté avec quelque chose de comparable. On dit, la volonté, c'est pour celui qui veut, de tendre vers ce dont il désire, acquérir une utilité ou repousser ce qui est nuisible. Taïeb, regardez, donnez-nous une définition de la volonté. Ils vont dire, c'est vouloir telle chose, quelque chose de ce qu'il vient de dire là, quelque chose de nuisible ou qu'elle a, d'accord? C'est vouloir, d'accord? Telle chose ou telle chose. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi ou pas? Alors, à partir du moment où lui te donne une définition du terme que lui, il a affirmé, plutôt de la sifa que lui, il a affirmé, c'est là que tu peux l'attraper. Comme Cheikh l'Islam a fait avec quoi? Avec le kalam nafsi. Donnez-moi une définition et après moi je vais vous attraper, vous allez voir. Vous avez compris? À partir de là, on va naqash. D'accord? Regardez là sur le irada. Vas-y, continue. Ceci implique le besoin et Allah est exemple de cela. Taïeb, Allah, il est exemple de quoi? Du besoin. Sahalala. Taïeb, donc, si vous dites que la rahma n'est pas affirmé par le fait que c'est comme s'il avait besoin de quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dit la même chose, pourquoi? Pour la volonté. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, une fois que vous nous donnez une définition pour réfuter une sifa, hein, pour réfuter le sens, le vrai sens d'une sifa, vous nous donnez une définition, nous cette définition là on peut l'utiliser dans les autres que vous avez affirmé, on peut l'utiliser et l'utiliser contre vous dans votre argumentation d'affirmer ou de ne pas affirmer. Vous avez compris, inshallah? Mais c'est un peu gymnastique. Hein, chouïa. Mais khallo, on va s'arrêter là, inshallah. Vas-y, continue. Finis au moins ça, après on s'arrête. Si on répond en disant que cette volonté est la volonté de la créature, il est possible de répondre de la même manière en ce qui concerne la miséricorde qui implique l'imperfection et celle de la créature. Par cela, la posté de l'école des partisans du dépouillement, qu'il soit partiel ou général, paraît évident. C'est par cela que l'on sait que la voix des Ash'ari et Maturidi concernant les noms et les attributs d'Allah et ce avec quoi ils ont argumenté ne peut repousser les ambiguïtés de Mu'tazila et des Jahmi, et cela pour deux raisons. La première raison est la Khalila. Parce que là on rentre dedans. Voilà, même Khalila, ça s'arrête là, Inch'Allah. T'as le Jahmi, hein, c'est ça? La première raison. Taïb. Est-ce que vous avez compris là, cette mas'ala? Parce qu'après ça va être taqil alaykoum juyur. Taïb. Donc s'il dit Allah yarham, tu lui dis na'am. Tu lui dis c'est quoi le dalil aqli ou le hissi ala rahma? Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la pluie, il fait pousser les plantes et il donne le risque, etc., etc. Ça c'est un dalil de rahma. Donc on lui dit le aql alors montre que Allah subhanahu wa ta'ala il a quoi? Il est Rahman. Et ça, c'est beaucoup plus wadah que quoi? Ça veut dire que dans l'aql, vous pouvez le thbit de trois manières. Premièrement, le aql. Premièrement, l'épreuve. Premièrement, l'épreuve. te dis là, moi j'accepte et là j'accepte pas, tu me dis pourquoi. Là tu l'acceptes avec l'épreuve. Nous on accepte aussi avec l'épreuve là. Pas faux. Ensuite il te dit, hein, il ramène le dalil aqli. Le dalil aqli, comme on a donné ici avec l'irada et rahma, on a bien vu que rahma était beaucoup plus flagrante et beaucoup plus grande que quoi, que les dalil aqli qui montrent esh el irada. Et ensuite, dans le dalil aqli, c'est-à-dire dans l'aql aussi, dans leur raisonnement à eux, on va leur dire aussi, également, de la même manière que vous avez montré, de la même manière que vous avez ufbut par le aql, c'est-à-dire par la définition même du terme volonté, on vous dira la même chose sur les autres termes, et on vous montrera que vous êtes dans le batil. Subhanallah. C'est comme un mensonge. En vérité, c'est comme un mensonge. Wallah, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la spirale du mensonge. La spirale du mensonge, en fait, ça commence là, un mensonge. Après, ça fait ça. Ça fait des dégâts comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors que ça part de quoi ? D'un seul mensonge. Eux, ils ont menti sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez dans quoi ils sont tombés. Ils ont voulu faire une chose, mais après, à la fin, regardez tout ce que ça encombre. Vous avez compris ? Et souvent, plutôt beaucoup de savants voient que c'est la finalité de leur terme et la finalité de leur parole qui fait que c'est des vrais menteurs et c'est des vrais mubtadi'a, et certains chez eux c'est des kuffar. Vous avez compris, c'est à la finale, c'est bien sûr, c'est au final, on a dit qu'il y avait quand même un khilaf. Mafhoum hada tayeb. Pour ce cours, inchallah, si vous avez des questions, vous voulez faire une pause, vous voulez aller aux toilettes ou la haja, vous pouvez y aller, sinon on termine, inchallah.